Salut, c'est Partenaire. Salut, c'est Particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Eh bien le bonsoir à tous et bienvenue ce soir sur l'antenne de RQC dans votre émission préférée. Je fais des vers sans en avoir l'air et de la poésie sans en avoir envie. Oh là. Je suis déchaîné ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Donc vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment comme tous les mardis de 20h à 22h30. Émission en comité restreint. Et ouais, parce que Onissa ne sera pas avec nous ce soir. Petite maladie, voilà. Donc Onissa, une accumulation de beaucoup de choses. Voilà, qui souffre d'une cystite, mais ça reste entre nous, évidemment. C'est ça, voilà. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Écoute, et elle sera avec nous la semaine prochaine, évidemment. On espère qu'elle va s'en sortir. C'est vrai que ça plus sa gastro, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas une gastro, c'est un écoulement du fondement. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est de façon poétique de nous parler de la gastro. Et donc effectivement, donc Onissa sera pas avec nous. Il y a Canon aussi également, pour des raisons professionnelles, ne sera pas avec nous ce soir. Yes. Mais ça fait plusieurs semaines que c'est yes. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est comment dit-on, Canon ne sera pas à l'émission ce soir en anglais, c'est yes. Voilà. Mais heureusement, il est avec nous, le grand, le ténébreux, le talentueux, le grisonnant. Ça, grisonnant, je dis c'est pour ma tronche. Ouais. Tiens, comment ça va, Plicat? Ouais, ça va, mais si. Depuis la semaine dernière. Bien. Ouais. Oula, tu m'as l'air absent là. Non, c'est parce que la semaine a vite passé, quoi. Donc depuis la semaine dernière, oui, c'est très bien, oui. Ouais, tu vas nous raconter plein de choses, hein. Ouais, si tu veux, oui, il y a des choses à raconter, effectivement. Oui. On te réveille là ou quoi? Non, mais je te vois venir. Ah bah pourquoi? Sur les choses à raconter. Ah bah oui, vas-y, mais de quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Mais non, c'est parce que je sais que vous auriez aimé faire une... Je fasse une chronique sur... Les forbans? Oui, mais ça c'est déjà fait. Les vagabonds? Je connais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Jesse Maron, oui. Ouais. Non, sur le regretté Chuck Berry qui nous a quitté... Tu pourras nous en toucher un mot quand même. Ouais, pas vraiment, ouais. Bah, oui, effectivement, parce que Chuck Berry, ça nous parle, évidemment. Oui, peut-être bien sûr. Un peu moins pour nos amis gamins qui ont entre 15 et 20 ans, parce que Chuck Berry, quand même, ça date des années 50. Hein. Tout à fait, oui. Mais on en parlera effectivement. Chuck Berry qui nous a quitté donc cette semaine. À l'âge de 90 ans. Ouais, absolument. Un qui nous a pas quitté, il est toujours là. Et tant mieux, malgré tout, c'est notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors toi, t'as bossé pour ce soir? Ah bah oui, bah il vaut mieux. Ah ouais, carrément. Il vaut mieux, personne ne bosse ici, donc il faut que je fasse le boulot de tous. Mais tu plaisantes, moi je travaille l'émission avant de venir. C'est pas de l'impro, tout est préparé, j'apprends mon texte par cœur. Ah bah tu peux. Oui. D'accord. Donc Sherlock, évidemment ce soir à 21h, tu vas nous parler du Rétro Ciné 80. Oui. Film de 1900. Oui, bien sûr, de 1985. Voilà, que tout le monde a vu, évidemment. Ah ouais. Si c'est un mercredi, comme dire Onissa, on l'a vu. Je pense une grande partie l'a vu, ce film. D'accord. Et le titre, c'est... Je vais pas le dire tout de suite. D'accord, ok, ça marche. À 22h, évidemment, tu nous parleras des sorties cinéma. C'est ça, les sorties cinéma pour la Belgique et la France. Est-ce que enfin tu vas nous donner envie d'aller au cinéma? J'allais poser la question quand tu Mais attends, je vais regarder et je vais te dire ça. D'accord. Alors, ça a dû le marquer. Bah, là, tu le diras tout à l'heure. Ouais. Ouais. Bon. Il y a peut-être possibilité quand même. Bon. C'est un petit ouais. Ok, donc écoutez, nous de notre côté évidemment on aura de l'actualité, on vous parlera de quelques événements qui auront lieu donc dans la région, autour de Moucron et de Wattrelos. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end ou le week-end d'après, on a pas mal de choses sympathiques à faire, donc on vous en parlera. Si vous de votre côté évidemment vous avez envie de nous faire partager une info, eh bien la page Facebook est faite pour ça, vous allez sur la page donc de l'émission 80 à l'heure sur RQC, puis vous nous balancez vos petits messages et on se fera un plaisir de les relayer à l'antenne. On recevra aussi, donc juste après la coupure musicale, Samantha. Ah, oups, elle était facile celle-là. Oh là là. Samantha, qui est présidente de l'association Rondissima. On en avait déjà parlé et on l'avait reçue, si ma mémoire est bonne, il y a quelques temps. Il y a bien peut-être un an ou deux. Elle nous rafraîchira la mémoire et elle nous parlera évidemment d'un événement qui aura lieu donc le 7 et le 8 avril. Le 8 et le 9 avril. Le 8 et le 9 avril. Il est noté là. Bah oui, je sais. Donc à la salle Roger Salengros, c'est un salon, mais elle vous en parlera elle-même. Elle le fera certainement mieux que nous. Et en attendant sa venue, moi, ce que je vous propose, une petite coupure musicale. Oui, alors avec Téléphone et New York avec toi. Ouais. Pour commencer déjà bien péchu. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, on reviendra avec les Jacksons et State of Shock. Alors les Jackson ou les Jackson 5? Les Jacksons. Ah ouais, d'accord.

baby. Just look at me, look at me. You got me, you got me in a state of shock. Look at that, look at me. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. John of Imagination, you're listening to Illusion. Et bien sûr, vous êtes toujours dans l'émission, sur l'émission, à côté de, entre, enfin bref, phase de... voilà, vous êtes dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30 avec Flipcat. Et oui, bonsoir. Ouais, Dieu, il nous l'a fait à la Philippe Malœuvre. Et non, j'ai voulu, j'ai failli la faire à la Luxe. À la Léon Zitrone aussi. Ouais. Eh bien, Simone. Et ouais, les vachettes sont lâchées. Ouais, absolument. Et nous sommes aussi également avec Sherlock. Salut! C'est. Non? Philippe Manœuvre. Je me suis dégonflé aussi vite. Et Sherlock, je veux prendre la même chose que toi. Qu'est-ce que t'as pris avant de venir? Ah bah rien, justement. Ah bah oui, bah c'est ah bah ça. Faut continuer. Hein, c'est ça, ouais. Je me drogue à la vie. Bon, oh, oh c'est beau. Ouais, t'as vu ça? Ah ouais, très poétique. Très philosophe, je me drogue à la vie. Ah dis donc, et on en est bobo, et t'as vu ouais. Ouais. Non mais je trouve que c'est une belle phrase en fait. On va la noter celle-là. D'accord. Je me drogue à la vie. Vas-y, note-le tout de suite avant qu'on oublie. Ouais. Fais gaffe de pas te choper une overdose quand même. C'est ça, ouais. Bon, et oui, on vous l'a promis, on en a parlé juste en début de l'émission. On reçoit avec nous, alors, une présidente d'association qui est pas très vieille, mais elle nous a rappelé pendant la coupure musicale que l'association existait depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc c'est une toute petite association à l'origine qui a grandi très très vite, qui a commencé par faire des élections, par faire un regroupement de demoiselles, entre autres. Mais elle va nous expliquer tout ça, puisqu'il va y avoir donc le week-end du 8 et du 9 avril un salon de la rondeur et du bien-être. C'est bien ça? Tout à fait. Et on a Samantha, la présidente de l'association, qui est avec nous. Bonsoir. On applaudit Samantha. Bonsoir Samantha, comment ça va? Bonsoir, ben ça va bien. Hein. Alors, on s'était vu en 2014. Ouais. C'est ça, en 2014 pour l'élection. Donc Non, j'étais juste venue pour faire la promotion parce que c'était tout début de l'association. Ouais. Donc vous m'aviez reçu, gentiment reçu pour m'aider, me faire un petit coup de pouce pour faire la promotion de l'association. Alors l'association s'appelle Rondissima. Voilà. Rappelle-nous un peu le principe de l'association. Alors l'association, c'est une association qui est une association pour les femmes rondes, mais qui s'élargit, c'est le cas de le dire, plus pour toutes les femmes maintenant. Ah oui? Ouais, parce d'accord. Qu'en fait, on se rend compte que il faut pas forcément être ronde pour être mal dans sa peau. Et donc, je ne suis personne pour dire non, ne venez pas à l'association. Donc, on accueille toutes les femmes qui sont bien ou pas trop bien dans leur peau pour les aider justement à s'accepter comme elles sont. Et alors, comment vous faites alors justement? Parce que dans l'association, donc les gens vous rejoignent, vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est une bonne trentaine. Ah ouais, quand même. Ouais. Et donc, vous vous rejoignez, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des événements tout au long de l'année, comment ça se passe? Alors, on essaye de faire des petits événements une fois par mois, donc entre adhérentes, ou des événements où on ouvre aux adhérentes et à toutes les personnes qui souhaitent venir. On fait beaucoup de choses autour de la beauté. Donc on fait des défilés de mode, donc on a notre propre comité de miss. Ouais. À côté de ça, on fait des petites séances de soirée relooking, soirée maquillage, soirée soins du visage, voilà, tout pour être bien et belle. Soirée gogo dancer. C'est pas encore c'est vrai. Ah, c'est... Ah bah, ça, ouais, ça pourrait j'imagine. Se faire. Ah bah, je pense que là, si les adhérentes elles écoutent, elles vont toutes m'envoyer un message pour me dire il a raison. Ah bah oui. Sache que nous, on a des gens qui font ça régulièrement. Bah, Harry, entre autres. Non, Sherlock, si tu recherches un gogo dancer. D'accord. Non, c'est un gros dancer, c'est pas pareil. tu te surestimes quand même. Donc oui, donc alors l'objectif effectivement c'est de Toutes les femmes, en fait, peuvent venir à l'association. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, moi, j'en connais quelques-unes hein, qui sont dans l'association. Alors, ce sont des femmes qui ont parfois eu aussi des problèmes de rondeur, qui ne sont plus rondes aujourd'hui, parce qu'elles ont fait un tas de choses, à la fois peut-être des interventions chirurgicales ou même des régimes, parce qu'il faut en parler, hein, c'est clair. Bien sûr, ouais. Et donc, tous ces gens-là se rencontrent et parlent, effectivement, de... Peut-être même pas, c'est même pas forcément un problème en fait finalement. C'est histoire de... Je sais pas, il faudrait que tu nous expliques en fait. Bah c'est... Alors le mot problème, je pense c'en est pas un, mais... Enfin c'est propre à chacun en fait. On a vraiment tout dans l'association et je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont... Allez, on va dire une taille 40-42 qui sont super mal dans leur peau. Et à côté de ça, on a des femmes qui font du 58-60 et qui sont super bien dans leur peau. Et moi, je pense que ben voilà, toute cette balance fait que ben ça fait un beau brassage de femmes et d'expériences de vie. Et voilà, on échange un petit peu sur nos ressentis de vie et on se conseille l'une et l'autre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. D'accord. Et vous vous aidez mutuellement à vous assumer quelque part. Voilà, exactement. Voilà. Tout comme les gens qui peuvent être timides, qui ne s'assument pas. Tout comme les gens qui sont rachitiques, qui ne s'assument pas. Tout comme... En fait, c'est ça, hein, c'est juste un... Ah, je sais pas, c'est juste un phénomène de société. Tout comme les gens qui aiment les forbans et qui s'assument pas. Oui, voilà. Par exemple. Hein, n'est-ce pas, Flip 4. Alors, je vois pas de quoi vous parlez. Non, j'ai juste envie de dire en fait que ben. Oui, donc l'association, effectivement, l'association donc à Rondissima, donc est sur Waterloo, mais tous les adhérents viennent de tous les coins de la région, ouais. C'est ça. Même de Moucron. Ouais. D'ailleurs, Notre Miss Rondissima est moucronoise. Ah oui, alors Miss Rondissima, elle devait être avec nous ce soir, ouais, mais voilà. N'est pas là. Les élections ont lieu quand en fait? C'est tous les ans? C'est tous les ans, et donc la prochaine, c'est le 2 septembre 2017. Ah, donc ça fait même pas un an qu'elle a été élue? Alors, elle aura de la chance parce qu'elle a été élue le 16 avril 2016 et elle aura sa couronne le 2 septembre 2017. Donc elle aura un plus long règne, entre guillemets. D'accord. Donc, et pour la prochaine élection, l'appel à candidature est bouclé déjà? Ah oui, depuis... Déjà Elles sont déjà dans la vie de l'élection. Elles font leur première... La première fois officiellement sur un podium. Il y en a combien là? Elles sont 14. Oh là, c'est énorme quand même. C'est énorme parce que quand on pense. Alors, on parlait évidemment des Miss Waterloo où elles ne sont pas 14. Hein, non. Alors, comment t'expliques justement cet engouement? Parce que comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, pour des élections comme Miss Rondissima, on ait plus de candidates alors. Curieusement, c'est un peu paradoxal parce que tu nous parles un petit peu de ce côté. Bon, on a parfois des difficultés à s'assumer, machin. Alors que quand ils font des défilés, il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus. Ils s'impliquent un peu plus que des candidates normales. Enfin, voilà, moi j'aimerais comprendre. Tu peux expliquer cet engouement? Oui, je vais expliquer. Enfin, je pense que je vais expliquer par mon vécu. Je pense que les filles qui se présentent, elles ne viennent pas pour avoir un moment de star. Elles viennent vraiment pour vivre un. Comment je vais dire ça? Un petit moment, et je pense que ce moment-là, ça leur sert de thérapie. Ah, okay. Voilà. Je pense que les filles qui arrivent, qui commencent cette élection là au jour d'aujourd'hui, elles seront complètement différentes le jour de l'élection. Voilà. Parce qu'il y aura plein de choses qui vont être faites pendant ces quelques mois. Donc, de par la photo, de par des défilés, des essayages de vêtements, des relookings. Donc, voilà. Donc, toutes ces petites choses-là vont les faire un petit peu changer. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui viennent pour vraiment faire un travail sur elles et prendre ça comme un défi. Donc, si tu parles de thérapie, ouais, je comprends bien. Ah ouais. Donc, l'association Rondissima, si on souhaite la joindre, comment fait-on? Il y a un site, il y a une page Facebook? Alors, il y a une page Facebook qui est donc tout simplement Asso Rondissima. On a aussi une page Facebook pour le Salon Rondeur et Bien-être, donc qui est tout simplement Salon Rondeur et Bien-être. Et on a aussi une page Facebook pour l'élection qui est Élection Miss Rondissima. Alors, on va parler évidemment donc du salon hein, qui aura lieu le 8 et le 9 avril à la salle Roger Salengro. Mais avant, puisque tu vas rester avec nous, avant on va se continuer en musique. Oui. Si je te parle des années 80, Samantha, tu nous parlerais de qui? Alors, ne me dis pas, j'étais pas né dans les années 80. Ben, j'avais un an. Soit, il y a encore des artistes aujourd'hui des années 80. Si tu devais nous parler d'un artiste ou... Tu nous parlerais de qui? Ouh là là là là, j'aurais dû m'entraîner avant d'arriver. Ah, il y en a plein, il y en a encore aujourd'hui, qui tournent encore aujourd'hui. Hein. Les années 80, je dirais. Alors, comment il s'appelait, lui? C'était un ancien footballeur, là. Oh non. Jean-Pierre François, c'est ça? Non, je te survivrai. Ouais, voilà, ouais. C'est années 80, ça? Oui, c'est années 80. Ah, ouais. Et on peut peut-être le trouver, ça, ah, tu bah, l'as ouais, peut-être oh, quelque part. Je dois l'avoir, ouais. Ah bon, on va le dédicacer à Samantha, alors. Il était Jean-Pierre. Beau, hein. C'était un, c'était un rugbyman, non? Non, c'était un footballeur. Un footballeur, un ancien footballeur, ouais. Oh, ah, je, était je beau. L'ai. Je ouais, l'ai. Avec ses longs cheveux, là. Ouais. Ah, j'aime beaucoup la parodie de Farrugia. Oui, je te subirai. Je te subirai. Vous, vous me subirez. Vous me subirez. T'as déjà entendu cette chanson, non? La parodie. Elle est excellente. Ad libitum. C'est ça. Eh ben, on va dédicacer. Bah, tu vas dédicacer à Samantha, évidemment, oui. Le titre de Jean-Pierre wow. François. Et puis, juste derrière. Bah. Juste avant, je vais mettre le titre de Mel Brooks, It's Good to Be the King. Ouais. Parce que bon, j'avais pas It's Good to Be the Queen, parce que là, ça va être Rondissima, ça va être les reines de. Eh, mais je crois qu'il le dit un moment dans la chanson. It's Good to Be a Queen. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah, si. Donc, bah, très très bien. C'est beau. Voilà. c'est très bien pour la petite dédicace, alors. Donc, Mel Brooks avec It's Good to Be the King, et après Jean-Pierre François. Et je te survivrai. Ça, c'est, hey, ça, c'est un nom de scène, Jean-Pierre François. Avec nous ce soir, Jean-Pierre François. Mais quand t'as un prénom et un nom qui sont deux prénoms, c'est soit t'es chanteur, soit t'es tueur en série. Pourquoi? Guy Georges. Ouais, tu vois. C'est... Émile Louis. Émile Louis. Tu vois, c'est ça. Ben, voilà. Là, c'est gay. Mais c'est ça. Donc, soit tu fais tueur en série, soit tu fais chanteur. Ouais, ouais, ben bon. Claude François, c'était quoi alors? Ben... Frédéric François, François Valéry, tu vois, tout ça, ah, c'est. Ouais, c'est pas faux. Mais Marc Dufour. Ouais. Ah. Bah, y a pas, ça, c'est faux. C'est pas un deuxième prénom. Non, non, bah non, non. Mais... du coup, c'est pas, ça se vérifie pas alors. C'est un bon vivant. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Allez, non, c'est non, non, non. Allez, c'est parti. On y va. Said Louis, it's time to go. They put my neck on the block. They took off my wig, and it occurred to me this was the end of the gig. They asked me, did I have any last words to say? Well, I raised my head and I hollered, hey! C'est la vie, make that my mort. You can be sure about one thing. Ooh la la, Mary, it's good to be the king. It's good to be the king. Well, you, it's good to be the king. Ooh la la, ooh yes, it's good to be the king. Well, it was good while it lasted. évidemment, c'est une dédicace pour Samantha, c'est elle qui l'a réclamé. Ouais, hein. Ouais. Donc je te survivrai de Jean-Pierre François. Alors il paraît que ça te rappelle des souvenirs. Ah ouais, ça me rappelle des souvenirs. Pourtant j'étais petite, hein, mais. Quel genre de souvenirs? On peut tout savoir. Non, des petites fêtes en famille, voilà, des bons moments. Des booms. Ouais, des booms. Enfin, j'étais petite encore, mais des avec moments festifs. Les frais Stagada, l'Oasis, ouais, les chenillards. le tang dans tang, les années 80. Ouais, le tang, ouais. Ouais. Le saloperie. Et on en trouve encore. Ouais, pas en France, hein. Je crois que c'est interdit. Ouais, c'est sur Internet, on en trouve. Hein. Oui, ouais, bah, ouais. Bah, tu trouves aussi de la drogue, hein, sur Internet. Ouais, mais bon, bah, quelque part, c'en est. Hein. Bah, je sais pas, mais le tang, il fait que c'est vrai que, parlons-en, mais rapidement, mais le tang, il y a eu un problème à un moment, ça a été interdit en France, parce qu'effectivement, il y avait du tang à l'orange, alors qu'il n'y avait même pas un seul extrait d'orange dans le tang, en fait. Ça a été retiré pour publicité mensongère. Ouais, absolument. Et c'est vrai que dans les années 80, on avait des tas de produits, et justement, tiens, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, dans les paquets de lessives. Bonux. Dans les Bonux. Paquets, ah, ouais, les ouais. Singes. Il y avait des cadeaux, il ouais. y avait des jouets. Ouais. Bah, Bonux. Les paquets de Bonux, ouais. Ouais. Bonux, mais beaucoup de paquets de lessive le faisaient et vous avez remarqué qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. C'est vrai. Mais parce qu'il n'y a plus de poudre. Ils font beaucoup moins les paquets de lessive en poudre. C'est vrai, c'est beaucoup de la lessive. Mais c'est pas ça la raison. J'ai appris la raison il n'y a pas très longtemps et vous savez pourquoi? Il n'y a plus de jouets dans les, parce que ça dans les trop paquets cher. De lessive. Non, non, non, pas du tout. En fait, c'est une nouvelle loi qui est sortie il y a quelques années. C'est pas comme par rapport au Kinder, parce qu'il y avait un atelier des Kinder, comme aux States. Alors, States, non, pas de, non je ne pense pas, parce qu'en fait, la loi est la suivante, c'est qu'ils se sont rendus compte que, bah, quelque part, c'était pas à destination des enfants, la lessive. Eh oui, et que la lessive, c'est plutôt à destination des foyers, enfin des couples, des parents, des femmes âgées, des hommes, bien sûr, et des hommes, évidemment, évidemment. Et en fait, il y a eu un moment, là, dans les grandes instances, où il y a quelqu'un qui a décidé, qui a dit qu'effectivement, on n'a pas le droit d'inciter à la vente en se trompant de cible. La cible, c'est pas les enfants. Mmh. Et voilà, et est arrivé un moment où il y a quelqu'un. Évidemment, il se fallait l'acheteur. De le faire. Ça. Eh oui, évidemment. Comme s'il n'y avait pas mieux à faire. Ah oui, oui, mais alors après, il y a la. Effectivement, bon, ça, après, c'est louable, c'est tout à fait louable. Parce qu'on peut comprendre aujourd'hui que c'est beaucoup d'enfants qui incitaient les parents à acheter telle poudre parce qu'effectivement, il y avait un jouet Star Wars ou j'en sais rien dedans. Donc maintenant, c'est terminé. Donc, c'est plus les enfants qui vont inciter les parents à acheter. Mais ceci dit, et c'est là que quelque part, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais le McDo. Comment ils font le McDo pour vendre des Magic Box? Ils vendent de jouets avant de vendre la merde qu'il y a dans la Magic Box, on est d'accord? Plus ou moins, ouais. Et ouais, bah quelque part, je pense qu'on est aussi dans cette loi devrait s'appliquer aussi pour les Magic Box. Ouais. Je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, on va faire pas. Un grand débat là-dessus, mais. Je sais pas, parce que bah, la lessive, c'est pas du tout pour les enfants. Non, c'est clair. On est bien d'accord que la bouffe, ça s'adresse quand même à tout le monde, quoi. C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais bon, donc voilà, c'était juste la question. Mais que moi, je me souviens, dans les années 80, et ça existe encore, hein, j'en ai encore vu en rayon, les pots de moutarde avec les dessins dessus. Ouais, bah, oui. C'est encore ça. Hein. Ah oui, ça existe encore. Bon, c'est beaucoup moins populaire que dans les années 80, c'est sorti dans les années... Alors, si je me souviens bien, c'était les années 60, fin 60, avec le premier, c'était Thierry Lafronde, qui était dessus. Oula. Ah ouais. Ouais. Ça a été vraiment popularisé fin 70, début 80. Ah ouais, non, c'est clair. Mais moi, je me rappelle, ouais, j'en ai acheté. Mais il y en a encore, hein, je pense. Et mais moi, j'en ai acheté un, il n'y a pas longtemps. Il y a quoi comme dessin dessus que j'ai rigolé? Dory, le monde de Dory. Ah, d'accord. Ok. Voilà, donc, c'est encore pour les enfants, tu vois, c'est pas les enfants qui vont dire hey, je veux de la moutarde. Bah non, je sais bien. Mais c'est parce qu'il y a le dessin, tu vois. Donc ça attire aussi un jeune public. Yep. Mais après ça fait un verre. C'est génial. Ouais, un verre à moutarde, ouais, bon. Ouais non, c'était un verre pour boire pour les gosses. Ouais, mais j'ai bien compris, merci. Moi j'en avais plein. Non, ouais, je me doute. Bah j'ai déjà été chez toi, t'en as plein, tu les collectionnes. Toi. Non, c'est pas celle-là que je collectionne de verres. Moi j'ai une marque de soda. Oui, c'est vrai. Ah, oui, bon, oui, on peut le dire. Hein. Ouais. Dr Pepper. Non, non, pas du tout. C'est bon, le Dr Pepper. C'est vrai, moi j'aime pas ça du tout. Hein. Non. Non. Non, non, c'est pas ça. Bon, hey, trêve de plaisanterie, on va arrêter de parler de bouffe. On va parler maintenant d'un événement, et d'ailleurs Samantha est venue pour ça, pour en parler ce soir, d'un événement qui va certainement marquer la région, parce que je suis pas sûr qu'il en existe beaucoup dans la région, soit dit en passant. Cet événement, c'est le salon de la rondeur et du bien-être. C'est salon ça rondeur et bien-être. Rondeur et bien-être. Alors déjà, explique-nous un peu le salon, en quoi il consiste. Alors, c'est un salon qui regroupe plus de 60 partenaires dans le domaine de la mode, santé, beauté, remise en forme. Ah oui, quand même. Oui. Et tu sais qu'il y en a plus qu'au salon commercial. Oui, je sais. Ah, ah ouais, d'accord. Et encore au jour d'aujourd'hui, je dois refuser des personnes parce que ben, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'était un salon que on a déjà fait l'année dernière. J'avais dit on le fait tous les 2 ans. Et j'ai tellement eu de demandes que ben, je me suis dit bon allez, on va le refaire cette année. Donc c'est un très très gros projet de l'association. Donc c'est sur 2 jours, le samedi 8 et le dimanche 9 avril, de 10h à 18h. Donc dans ces 2 jours, vous allez avoir l'occasion ben, de pouvoir avoir des boutiques de vêtements, d'avoir des professionnels de santé, d'avoir des personnes qui sont dans le domaine de la beauté. Vous allez pouvoir vous faire des petits vernis, vous faire les cheveux, enfin voilà, acheter des jolies fringues, essayer des vêtements, vous faire conseiller. Il y aura des sextoys ? Il n'y a pas de sextoys. Ah, parce que ça fait partie du bien-être aussi. Hein. Ça fait partie du bien-être, mais voilà, c'est le salon rondeur et bien-être et il n'y a pas de sextoys, désolé. Ah ouais, mais non, ouais. Et sérieux, de plus en plus, c'est à la mode. Hein. C'est à la mode de plus en plus, hein. Faut être honnête. Non, parce qu'on est parti du principe où l'année dernière, il y a pas mal de femmes qui sont venues avec leurs enfants. Et voilà. Donc, d'accord. On va les laisser grandir, ces petits loulous. Et... Mais attention, quand on dit salon rondeur et bien-être, c'est pas que pour la femme. Ah si, c'est que pour la femme. Ah donc un homme ne va pas s'y retrouver s'il y va ? Il peut venir avec sa femme lui acheter des vêtements par exemple, ouais. Des bijoux, mais il y a rien pour l'homme. Ah non. D'accord. Alors il y a... Je suis désolé, question parité, on est mal. Hein. S'il n'y a rien pour les hommes quand même, c'est un peu vache. Alors si, il y a le plaisir des yeux ben, à 15h, un beau défilé de vêtements. Voilà, un beau défilé de lingerie. Ah j'allais donc de sous-vêtements. De sous-vêtements. Hein. Et c'est voilà. Samedi alors ? Samedi et dimanche. Donc à 15h. Il y a un défilé à 15h samedi et un autre dimanche à 15h également. D'accord. Ok. Voilà. Les conditions pour aller au salon, c'est gratuit l'entrée ? L'entrée est gratuite. Il n'y a aucune condition. Tout le monde est la bienvenue. D'accord. J'imagine qu'il y a de la restauration sur place. Une restauration sur place. Donc pareil, on a changé par rapport à l'année dernière. Comme on accueille beaucoup plus de stands, on a changé l'endroit du bar. Donc il se fait sur la mezzanine. Ouais. Et donc tout le hall, ben, il y aura encore plein de stands qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc on rappelle que c'est Salle Roger Salengro. C'est dans Salle le Roger, centre de Waterloo. Alors pour nos amis moucronois, évidemment, vous ne pouvez pas le louper. C'est juste derrière la mairie. C'est une grande salle dans laquelle il y a régulièrement donc, des événements. Et là, donc, c'est Salon Rondeur et Bien-être. Donc c'est le 8 et le 9 avril. Donc à partir de 10h. Voilà. C'est ça, jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Alors évidemment, il n'y a plus de place donc, pour les stands. Non. Tout est bouclé. Mais vous avez trouvé de la place encore pour pouvoir défiler parce que 60 stands, quand même. Bah oui. Alors on garde exactement le même podium que l'année dernière. Faudra se serrer, vous aurez chaud pendant le défilé, mais il y aura de la place pour surtout tout le monde. Surtout si c'est un défilé en sous-vêtements, alors là. Et oui, on va avoir chaud. Non, il y aura de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Ok, et eh ben écoute, on va continuer en musique évidemment, et on va en reparler juste après du salon donc Rondeur et Bien-être. Tu nous parlais tout à l'heure de Glenn Medeiros et... Ah oui, Elsa. Et Elsa, oui. Est-ce que tu as ça dans ton escarcelle? Oui. Effectivement, je l'ai. Oh, je sens que ça te rappelle aussi des souvenirs, mon ami Sherlock, forcément. Avec ton grand sourire. Ah oui, bah, c'est une chanson pour pécho l'été, ça. Ah c'est bon les premiers amours. Ah ouais. Ouais, tu rigoles, toi, t'avais quel âge quand c'est sorti? Le mec, il avait 5 ans, il pécho... J'avais 11 ans. Ah ouais, d'accord. Et t'avais pécho avec cette musique-là ? Non, j'ai essayé. Ouais. Ah, mais pécho au péché, tu veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais au bord du lac. Et... C'est ça. Et ensuite ? Bah écoute, je sais pas si t'as encore une petite idée de chanson. Imagination. Ah, ouais. Et bah voilà, bah ça, tu peux nous mettre le jingle avec Kid John. Et puis on laisse sur Music and Light. Non, c'est Illusion. Justin Illusion. Justin Illusion, ouais. Ouais. Tu veux celle-là alors ? Bon, okay, ouais, ça tant qu'à faire, on va se faire plaisir, on va l'écouter jusqu'au bout. Ok, attends, hop. Je dois l'avoir quelque part. Hein. Bon, d'accord, ok. D'accord, on va meubler, hein, pour ça. Ouais, bah, oui, allez, Lucas, tes petites blagues ? Ah, là, comme ça, franchement, j'en ai pas. C'est pas encore l'heure, là, pour l'instant. D'accord, bah, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Ouais. Allez, ouais, c'est bon, je l'ai. Allez, bah, c'est parti alors. Thank you. This is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 94 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Mais attendez là, je comprends pas là. Pendant la pause musicale, on parle des feuillages. On oui. parle de... Qu'est-ce que... Attends, Samantha, tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu nous parles des feuillages ou burlesque, Flipcat qui nous parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non, samedi, il y avait à Lille, au Lyoté, rue d'Oisem. Ouais. Il y avait un show burlesque qui était organisé par. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc un show burlesque avec un effeuillage. Ah ça c'est vachement esthétique. J'ai déjà vu à la télé effectivement. Oui. Mais alors l'effeuillage il est c'est quand même assez c'est subtil. Je veux dire on n'est pas elle est pas complètement wallpée. Ah c'est pas un strip. Non. Ouais non c'est ça. Mais même c'est pour l'instant il y a ce qu'on appelle les nippies, c'est les pompons. Ouais. Hein, voilà c'est sur une musique ben en général ça c'est blues, c'est un truc très entraînant. Ouais et puis alors elles sont un peu elles sont maquillées quand même un peu. Elle force un peu le trait, c'est un style burlesque quand même. Burlesque. Ouais. Et en général, ce sont des femmes relativement rondes. Ouais, c'est ça. Et puis bon, elles ont un peu le style des années 50. Hein, ouais, tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors pourquoi on parlait ça? On parlait de ça parce qu'effectivement, nous sommes avec Samantha. Bonne question. Voilà. Hein non, qui, est aussi, trouvé... qui fait aussi elle-même des shows burlesques. Et on s'est trouvé, voilà. des points communs, des personnes qu'on connaît. Ouais. D'accord, bah, c'est bien ça, le monde est petit. Mais c'est surtout que le 8... Et le 9 septembre, le 8 et le 9 avril, donc à la salle Roger Salengro, il va y avoir le salon Rondeur et Bien-être. Et alors, donc vous l'avez compris, il y aura donc plus de 60 stands où vous allez pouvoir y retrouver des soins, de la beauté, de l'esthétique, des habits, des vêtements, des sous-vêtements. Il y aura évidemment donc... Le samedi et dimanche, donc un défilé à 15h. C'est ça. Donc en tenue de ville et également en sous-vêtements. Sous-vêtements et le dimanche, tenue de soirée et robe de mariée. Ah, sympa. Et alors, il paraît qu'il y a deux surprises aussi également. Alors, il y a deux surprises. Donc, vous êtes les premiers à qui j'en parle parce que même sur Facebook, j'ai rien mis. Ah, dommage, parce que ça peut aussi... Bah oui, mais j'attendais aussi d'avoir l'accord final. Alors, les deux surprises, pour le samedi, on va avoir l'occasion de recevoir trois beaux mecs. Bah, ah bah ouais, Sherlock, Flipcat et moi, voilà. Bon. Bon d'accord, allez, cache la joie. Non, désolé, c'est pas vous les gars. Ah, bon, c'est quoi non, ces trois alors, mecs? Ces trois mecs, c'est Mister France Hauts-de-France et ses deux dauphins. Ouais. Voilà. Et le dimanche, on va avoir les garçons du Bonheur des Dames. Voilà. Ils sont bien vus quand même. Mais nous, on n'a pas tout ça. Et pour les hommes, il n'y aura rien du tout. Quoi. Bah non, c'est un salon pour la femme. Bah et c'est de là qu'on en est venu à parler de samedi dernier, tu aurais dû venir au Lyoté. Voilà. D'accord. Alors, il va falloir que tu nous expliques parce que je ne savais même pas que Mister France ou de France existait. Et ben voilà. Ben, c'est quoi, c'est une élection sûr, c'est une élection, ah ouais, si. Ils sont passés d'ailleurs à 66 minutes dimanche. Il y a eu un petit reportage sur eux. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le Mister France qui a été élu. Y a pas si longtemps. Et c'est un gars du coin alors du coup ? Non, Mister France, c'est, il regroupe toutes les régions. Non, Mister France, c'était celui de l'Île-de-France qui a gagné. C'est Éloi quelque chose. Éloi. Éloi. Ça fait vachement français, je trouve. Éloi. C'était Éloi ou Benoît. C'est ça. Ah ouais, je savais pas que ça existait. Et là, notre Mister France aux Deux-France s'appelle Vincent. Ah tiens, comme mon chéri. Oh voilà. Bah d'ailleurs on fait un petit coucou à ton chéri bien Vincent. Bien sûr, monsieur Vincent. Vincent qui est un excellent comédien aussi également. Non mais il faut être honnête qu'on retrouve tous les ans sur des belles tournées avec la troupe de temps en temps. Tout à fait. Et un spectacle qui existe maintenant depuis 11 ans, c'est 11e saison, qui s'appelle donc les danseurs du Père Noël et qui ont tourné mais sincèrement un peu partout et notamment au Zénith de Lille. Ils ont fait salle comble au Zénith de Lille. C'est pas rien et c'est pas donné à tout le monde. Et Vincent. Rien. Ah bah je sais pas si parce qu'il y a des bruits dans le casque, il y a des scratchs. Ah t'inquiète, c'est parce qu'on a un stagiaire qui est à la technique, donc de temps en temps il fait des drôles de bruits. Eh bah écoute, Samantha t'es toujours avec nous. Toujours. Bon, et ce que je propose, c'est qu'on embraye la chronique Rétrociné 80 et je te laisse en compagnie de Samantha, tu vas lui expliquer un peu comment ça fonctionne et le principe évidemment de ta chronique, mon ami Sherlock. Oui, bien sûr. Alors bon, on va commencer tout de suite avec le jingle. Non, Zai. Elle a bien fait ce soir. T'as vu ça? Refais-le. Non, Zai. Montons vite dans la DeLorean et repartons vers l'année 1985. C'est vrai que c'est excellent en fait. Refais-la nous un peu. Vas-y. Non, je s'arrive. Non, effectivement. Attends. Non, mais. Non, mais ça le fait, honnêtement, ça le fait. Ouais, ça le fait. Nom de Zeus. Harry. Ah, lui, il lit vachement. Je vais le faire comme ça en fait. Alors, rappelle-nous un peu le principe du Rétrociné 80. Oui, alors, le principe du Rétrociné 80, j'ai regardé cette semaine un film des années 80. Et je vais essayer de vous le faire deviner. D'accord. Alors par des petits extraits, soit de musique qu'on entend dans le film, ou des extraits de dialogue qu'on entend également dans le film. Bon, c'est pas un film muet déjà. Bah heureusement que c'est des extraits de dialogue qui viennent du film, parce que si ce serait des extraits de dialogue d'un autre film, ce serait un peu con quoi. Et bah justement, là je vais en passer un d'un autre film. Ah ouais. Ouais. Ah tiens. Mais c'est juste pour la vanne. D'accord. Mais voilà. Mais je me suis dit, ça peut être rigolo. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, attention, avant que tu commences, il faut préciser à Samantha qu'elle ne donne pas la réponse. Si tu as la réponse, il faut que tu nous mettes sur la piste. D'accord. Pour que notre ami, quand même, puisse aller jusqu'au bout de sa chronique. Parce que moi, je vais vous donner quelques petits indices, mais essaye, si jamais tu as trouvé tout de suite, de m'aider à mettre tes petits camarades autour de la table sur la piste du film. D'accord. Alors, il faut savoir que le film est sorti le 22 mai 1985. Et si Onissa était là, elle nous dirait que c'était un mercredi. Effectivement, et Onissa nous écoute, je pense. Bon, c'est un film de Peter Weir. Ah, je connais. Et la musique est de Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel Jarre. Je sais ce que c'est. D'accord, mais j'en doute pas en plus. Ouais, je sais ce que problème, c'est. Quoi. C'est un film policier. Oui. Ouais. Et dedans, il y a Peter Weller. Pas du tout. C'est un film de Paul Verhoeven. Hein, maintenant, je te dis Peter Weir. Ah, pardon, autant pour moi. Mais c'est un film policier. Ouais. Ouais. Répète les indices. Alors, donc le film a fait 2 206 007 entrées au box-office français. Ouais, c'est pas mal. Rien à voir avec un James Bond pour les 007 entrées. D'accord. Il a récolté 3 prix, dont 2 Oscars et un BAFTA. Mm-hmm. Donc c'est un prix anglais, le BAFTA. Et 19 nominations, dont 6 Oscars et 6 BAFTA. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Mm-hmm. Je vais donner quelques noms d'acteurs. qui ont joué dans le film. Il y a notamment Angus MacHines, Danny Glover, ah. Viggo Mortensen. Ah ouais. Dans les années 80, il ouais. était déjà ok. Alexander Godunov, Ian Rubes, Joseph Sommer, Lucas Haas. Alors Danny Glover, évidemment, on le connaît. Oui, forcément. L'arme fatale, c'était le Black. C'est ça. Mais Peter Weir, ça me parle vraiment. Honnêtement, ça me parle vraiment. C'était lui. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Danny D'accord, Glover, dans l'arme ça. Fatale, c'est absolument. Ça. Mais il n'y a rien à voir avec ça. D'accord. Et c'est un film policier. Hein. C'est un film policier, ouais. Ouais, c'est parce que Peter Weir, ça me parle. D'accord. Et alors, tu avais donné quoi comme autre indice La musique. Non. Ouais, alors non, je vais te donner un extrait sonore du film. Écoutez bien. Qu'avez-vous fait de Hawk Lightner? Il est reparti. C'est un ami de la famille, un vrai fils pour Ellie. Vous vous y connaissez en menuiserie? Oui, je bricole. Vous savez faire autre chose? Molester. Je moleste comme personne. Molester ne sert pas à grand chose dans une ferme. Alors. Ouais. Dans le film, il y a un gros bras. Un gros bras? Ouais, un costaud, enfin je sais pas, mais. Non, pas forcément. Pas spécialement, non. Pas spécialement, non. D'accord. Tu penses à qui? Schwarzenegger, Stallone. À la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, c'est pas ça quand même. Non, je pense à rien du tout, mais c'est Peter Weir. Il n'y a rien à faire, je bloque là-dessus. Mais, Bon, bah, je vais te donner un extrait. C'est une musique qu'on entend dans le film. C'est celle-ci. Don't know much about history. Ah ouais, c'est sympa. Années 60. Mais ça a un rapport avec le contexte du film, l'époque du film ou pas? Non, pas avec l'époque. Donc ça, c'est Sam Cooke avec What a Wonderful World. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? Absolument pas, mais sans même temps, ça lui dit quelque chose. Non? Non plus. Les 4? Non, pour l'instant, non. Bon, ok. Donc je vais vous passer un extrait sonore du film également, j'espère que ça va vous mettre sur la voie, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'on forme à l'Ordnung? Je n'ai rien fait contre les règles de l'Ordnung. Rien fait? Tu amènes cet homme chez nous, avec son arme de feu. Tu amènes la peur chez nous, la peur des Anglais armés qui le poursuivent. Je n'ai pas péché, Ellie. Peut-être, peut-être pas encore. Mais dis-toi qu'on dit le contraire. Tu sais de quoi les gens ont parlé? Ils ont parlé d'aller voir l'évêque et de lui demander de te chasser. Eh bien, laissez-les donc parler. Ne le prends pas à la légère, Rachel. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire très facilement. Sais-tu ce que ça veut dire, chasser? Fini de m'asseoir à table avec toi. Fini d'accepter ce que ta main me tend. Fini d'aller au culte avec toi. Oh, enfant, ressaisis-toi. Alors, Il y a une notion futuriste dedans ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ah non, je vois pas. Je dirais même, il y a plus une notion passéiste que futuriste. Oui, puisqu'il faut allusion aux Anglois. Aux Anglais, ouais. Oui. Ils disent les Anglais, oui. Ouais, ouais. Non, je vois pas du tout. Honnêtement, je nage. C'est vrai, à ce moment, le film a été connu. Hein. Ouais, mais je te dis encore une fois, ce réalisateur Peter me parle. Weir. Ouais, okay. Il me parle, mais... D'accord. Bon, je vais... Allez, je vais vous donner l'extrait du film qui n'est pas dans le film. Ouais. Écoutez bien. Les amis de mes amis sont mes amis. Alors ouais, je vois pas le rapport. Les tuches. Oui. Mais c'est quoi le rapport avec les tuches? C'est surtout la phrase, en fait. Les amis... Donc c'est un film avec des Amish. Oui. Ah, est-ce que c'est un rapport avec Indiana Jones? Oui. Ah, bah voilà. Oui, évidemment. Effectivement. Eh oui. C'est un film avec Kelly McGillis et Harrison Ford. Ouais. Ok. Voilà. Et donc les Amish de mes Amish sont mes Amish, parce qu'il y a des Amish dans le film. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris un petit extrait d'un autre film. Je serais incapable de donner le titre du film, mais je vois très bien lequel c'est. Ouais. D'accord. Je pense que moi, pareil. Ouais. Et c'est un titre anglais. Ouais. C'est un titre en anglais, c'est un seul mot. Ouais, c'est clair. Fudge. Non, c'est pas fudge. Ah, tu veux dire fudge. C'est ça. Fudge. Non, c'est pas fudge. Alors, et le thème du film, c'est celui-ci. Et je vais vous donner le pitch du film en attendant. Donc, c'est l'inspecteur. Non, c'est pas ça. L'inspecteur John Book enquête sur un meurtre dont le seul témoin est un jeune garçon membre de la communauté des Amish. Bien sûr. Découvrant que son supérieur est l'instigateur de ce crime, John Book se réfugie auprès de cette communauté pacifiste. Bien sûr. Alors, c'est un témoin. Oui, c'est un témoin. Oui, mais bien sûr. Ah, c'est un témoin. Mm-hmm. Suis-je bête? En anglais? Oui. Witness. Oui. C'est ça, witness. Eh oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as vu le film, Samantha? Ben non, désolé. Ça te dit rien du tout? Non. Ah, pourtant, c'est un bon film, c'est vrai. Je reconnais. Ouais, c'est un bon film. Ouais. Alors, il faut savoir que le scénario de Witness a circulé à Hollywood pendant toute la première moitié des années 80. Donc, c'est quand même sorti en 85. Hein. Écrit par deux auteurs de télé à partir d'un scénario non retenu pour la série western Gunsmoke. Ah bon? Qui était, qui était une des plus longues séries de l'histoire de la télé américaine avec 20 saisons entre 1955 et 1975. Witness faisait alors 182 pages, soit 3 heures de film. Ouh. Et avait été refusé par tous les studios. En 83, après quelques modifications, notamment la suppression de nombreuses scènes sur le mode de vie des Amish, le producteur Edward S. Feldman la proposa à la 20th Century Fox, qu'il refusa, arguant que le studio ne faisait pas de films ruraux. Ouh, n'importe quoi. Bah, comme ça portait sur les Amish, ils ont trouvé ce prétexte. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de films qui avaient un contexte... C'est-à-dire paysan... Ben voilà, non, mais c'est un contexte fallacieux, on va dire. Pourquoi? Bah, c'est un faux prétexte. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Alors, Sylvester Stallone était le premier choix pour le rôle de John Book. Ah, ça aurait été dommage. Après, à voir, hein, il aurait peut-être... Dans les années 80, après Rocky et tout ça, bon, il n'aurait pas été crédible dans le rôle. Enfin... Alors, pour la petite anecdote, Sylvester Stallone a récemment avoué qu'on lui avait proposé le rôle et que son refus était le plus grand regret de sa vie professionnelle. En effet, au lieu de Witness, il a préféré faire la comédie New York Cowboy avec Dolly Parton, qui est un des pires films de sa carrière. C'est clair. Jack Nicholson a également été envisagé. Il faut savoir, actrice de théâtre remarquée dans un second rôle, donc pour Reuben ou La vie d'artiste, en 83, Kelly McGillis ne tourne que pour la deuxième fois au cinéma dans Witness. C'est le rôle qui lui vaudra d'être remarqué par le producteur Jerry Bruckheimer. Ouais. Et il lui proposera le rôle principal féminin de Top Gun, ouais, aux côtés de Tom Cruise, belle blonde, troquant pour l'occasion ses cheveux bruns pour une longue crinière blonde. Ouais. Ah si, elle était belle quand même dans Top Gun. Elle était très belle. Et donc, il s'agit du premier film dans lequel joua l'acteur Viggo Mortensen, donc on connaît plus dans le rôle de Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas qu'il était si vieux que ça, en fait, finalement. Il est plutôt jeune, alors, Viggo Mortensen. Non, il est plutôt jeune. Là. Ah ouais, non, c'est clair. Et ouais, donc là, c'était vraiment son premier rôle. Et donc, oscarisé pour les légendaires musiques de Laurence d'Arabie et du Docteur Jivago, Maurice Jarre, donc père de Jean-Michel Jarre, a reçu sa 7e nomination aux Oscars pour la sublime musique pleine de synthétiseurs de Witness, qu'on entend ici en fond. Il travailla à nouveau avec Peter Weir sur la musique du Cercle des Poètes Disparus et de Mosquito Coast. Bah oui. C'est pour ça que ça te dit quelque chose. Oui, absolument, le Cercle des Poètes Disparus. Oui, et absolument. Ouais. Et d'ailleurs, la musique, on la reconnaît un peu, hein, celle de Maurice Jarre, dans le Cercle des Poètes Disparus. Ça y ressemble un peu quand même, la musique de fond. Eh bien, donc ça te rappelle pas de souvenirs, ça, même ben pas. Bah non, désolé. Bon, Flip 4, ça te rappelle les souvenirs, évidemment. Witness. Oui, le film, je le vois bien, mais j'étais incapable de ressortir le titre, sinon que... Ah bah voilà, si vous voulez, à partir de demain, sur la page Facebook de l'émission, ou sur la page comme d'hab. Sherlock, vous pourrez retrouver le film. Ouais. Eh ben, ce sera un vrai plaisir. Tiens donc, on parlait de cinéma. Oui. Moi, j'ai découvert une chose, et j'étais un peu effaré, il y a 2 semaines, en regardant donc un feuilleton assez célèbre des années 80, et j'ai regardé les 2 premiers épisodes de L'Inspecteur Columbo. Oui. Waouh. Ouais. Alors bon, ça a pris un coup de vieux, hein, faut être honnête quand même. C'est sûr. Bon, mais ça reste quand même une figure emblématique de la télévision américaine et française, parce que ça tourne encore aujourd'hui. Hein. Ça, ça a facilement 40 ans, je crois, L'Inspecteur Columbo. Largement. Et là, fut ma grande surprise quand j'ai vu le réalisateur des 2 premiers épisodes de Columbo. Je vous le donne en 1000. Qui a été le réalisateur des 2 premiers épisodes de Columbo? Spielberg. Absolument. Ah bon? Ah oui. Absolument. Et ça, c'est une sacrée surprise. Et là, sur le coup, est-ce que j'ai bien vu sur le générique réalisateur Steven Spielberg? Je me suis dit, bon, c'est peut-être un homonyme, parce que c'est possible. Hein. Et j'ai regardé, j'ai recherché sur Internet, effectivement. Et en fait, Steven Spielberg a démarré comme ça. Il a réalisé les 2 premiers épisodes de Columbo. Rien à voir avec les films qu'il a fait aujourd'hui, hein, je vous le dis, parce que franchement, les épisodes de Columbo, les 2 premiers, sont pas exceptionnels, mais c'est Steven Spielberg qui les a réalisés. Étais-tu au courant, Flip 4? Mais non. Et ben maintenant, tu j'apprends quelque chose. Et ben ouais, écoute. J'en ai regardé une paire d'épisodes. Il y a une époque où j'aimais bien. Ouais, bah le problème, c'est qu'on connaît l'assassin dès le début. Donc, ouais, c'est ça. Je comprends pas comment ça a pu marcher d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien savoir l'assassin à la fin, pas au début, quoi. Ouais. Donc, et puis, malheureusement, il gagne tout le temps, Columbo, sauf une fois. Sauf une fois, il existe un épisode où le meurtre est parfait, il n'arrive pas à coincer le criminel, mais il n'y en a qu'un. Je me souviens pas. Je n'ai jamais retrouvé, mais il y en a un. Ouais, ouais, est-ce que vous connaissez le prénom de Columbo? Peter Falk. Non, alors, le prénom dans la série. Personnage. Son prénom dans la série. Eh ben, c'est Jean. Non. Il s'appelle Frank. C'est vrai, c'est le lieutenant Frank Columbo, et on le voit une seule fois. À un moment, il montre sa plaque de police. Ouais. Et si on fait un arrêt sur image, on peut voir qu'il est noté lieutenant Frank Columbo. Ah, parce que mais c'est la seule fois. Arrêts sur image, non, c'est parce que je l'ai lu quelque part et j'ai vu l'image. Mm-hmm. Mais c'est la seule fois où on voit son prénom. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu sa femme non plus. Mm-hmm. À un moment, si, on la voit. Ah, ouais, alors dans le feuilleton, Madame Columbo. Voilà, dans le feuilleton, Madame Columbo. Qui est d'ailleurs 30 ans plus jeune qu'elle, que lui d'ailleurs. Mais ouais, à Frank Columbo, tiens. Ouais, Frank Columbo. Ah bah c'est un peu comme MacGyver. Est-ce que tu connais toi le prénom de MacGyver, Samantha? Non, vous me posez des quoi. Non. Ah, tu devrais pourtant. Ouais. AC/DC, le guitariste. Angus. Ah, d'accord. Et il s'appelle Angus MacGyver. Mais en plus, bon, c'est des prénoms. C'est tiré et on le voit dans un épisode. Angus? Ouais. On le voit dans un épisode. De quoi, le guitariste? Non, pas le guitariste, mais on le sait dans un épisode, son prénom. Ah oui, oui, bon, certainement. Parce que, alors, de mémoire, parce que j'ai revu la série il n'y a pas très longtemps, de mémoire, il se fait frapper sur la tête, il tombe dans une sorte de coma, et pour lui, il se retrouve dans le passé, au niveau médiéval, dans une geôle. Ouais. Et pour sortir de cette geôle, il doit en fait retrouver son prénom. Qu'il a complètement oublié, et en fait son prénom est écrit sur le mur avec de l'essence ou un truc comme ça. Ouais. Et donc on le voit, il brûle en fait son nom qui est sur le mur, et on voit il est noté Angus. Waouh. Eh ben dis donc, c'était la minute culture cinématographique le soir. Eh ben c'était super. Voilà. Eh ben on va continuer en musique, hein? Oui, alors avec Elton John et I'm Still Standing. Ouais. Et après avec un petit français qu'on n'a pas entendu depuis longtemps parce qu'il est plus là. Ouais. C'est Daniel Balavoine avec Vivre ou survivre. Ouais, bah, sans problème. Hein. De quoi? Bah, sans blesser tout ce que j'aime. Ah oui, bien sûr. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Allez, c'est parti. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you. I'm still standing. Survivre de Daniel Balavoine. Vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure, toujours sur RQC 95 FM, 95 FM, avec Harry, ouais. Avec Flipkat, ouais. C'est génial, et avec Samantha de l'association Rondissima. Ouais. Oh, cache ton enthousiasme. Oh non. Alors évidemment, donc Samantha est avec nous, qui est la présidente donc de l'association Rondissima. Il y a un super événement le 8 et le 9 avril à partir de 10h jusqu'à 18h. C'est le salon Rondeur et Bien-être. Alors c'est un salon qui va, rappelle-nous, hein, qui va englober un certain nombre de stands avec diverses activités, c'est ça ? Voilà, dans le domaine de la mode, santé, beauté, remise en forme pour la femme, plus précisément pour la femme ronde. Il y aura également des défilés. Voilà, deux défilés, un samedi à 15h et un dimanche à 15h. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Alors franchement, il n'y a plus de raison pour pas plus y d'excuses. Aller. Il voilà, n'y a plus d'excuses pour pas y aller, ça c'est clair. Exactement. Alors, il faut parler aussi de l'organisation, parce que évidemment, j'imagine que tu n'es pas toute seule pour tout organiser. Alors, c'est vrai que cette année, par rapport à l'année dernière, j'ai quand même pas mal d'adhérentes qui me suivent derrière dans mes petits projets foufou. Donc, ça fait du bien. Donc, il y aura quand même pas mal de bénévoles qui seront aussi sur le salon, donc qui sont des adhérentes. Mmh. On a aussi les conjoints qui donnent un coup de main. Donc, il y aura des hommes, hein, mais ce sont les nôtres. Ouais, ils seront dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre, mais voilà, heureusement qu'ils sont là pour nous donner des coups de main. Et donc, voilà. parce que c'est pas une mince affaire quand même, sincèrement, organiser un salon, c'est pas donné à tout le monde, et je suis obligé de comparer, parce que forcément, il y a le salon commercial, il y a pas 60 stands au salon commercial. Non, et puis salon commercial, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont derrière pour le monter. Oui, c'est ça, et là, par contre, c'est un peu plus difficile pour vous, parce qu'effectivement, les moyens, c'est pas les mêmes. Oui, déjà les moyens, le temps, parce que c'est à titre associatif, moi c'est pas mon travail, je fais ça en plus de mon travail. C'est aussi des soirées où je suis sur mon ordi jusque je ne sais pas quelle heure, des coups de gueule avec son homme, parce que forcément. Tiens. Oui, évidemment. Mais c'est quand on veut faire les choses bien, c'est comme ça. Donc c'est à noter, c'est le 8 et le 9 avril à la salle Roger Salengro à Waterloo, entrée gratuite, donc vous embêtez pas, vous arrivez directement, et puis vous serez reçu par toute l'équipe de l'association Rondissima, et surtout vous allez découvrir un bel événement. On parle de Waterloo, il y a aussi d'autres événements, puisque une semaine avant, il va y avoir le carnaval. Le carnaval de Waterloo, le 1er et le 2 avril. Alors sachez que le défilé aura lieu le 2 avril. C'est ça. Mais le 1er avril, il y a quand même aussi un événement qui est assez sympa, puisque ça se passe à la salle Roger Salengro, et c'est l'élection du prince du carnaval. C'est ça, d'ailleurs, notre Miss fait partie du jury. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Tu sais quoi, parce que on fait partie de l'organisation, puisqu'on va présenter, on aura le plaisir de présenter l'élection du prince du carnaval. Et j'ai rencontré l'organisatrice cette semaine qui ne voulait absolument pas me parler du jury, et qui me disait non, je vais le garder secret. Je ne veux pas que tu saches. Je ne veux pas. Alors voilà. Alors on sait qu'il va y avoir. On va effacer ce que j'ai dit là. Non. On va le faire au montage. On va couper au montage. Alors il y aura effectivement donc l'élection du prince du carnaval, donc le 1er avril à 19h, à partir de 19h, et ensuite ça enchaîne sur une soirée musicale, donc ça se passe à la salle Roger Salengro. Autant vous dire qu'il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir du monde. Ce sont en général les associations qui présentent leurs candidats pour l'élection du prince du carnaval. Ça c'est pour le samedi soir. Le dimanche, évidemment, il y a le défilé. Donc dans les rues de Waterloo, le défilé du carnaval, et ensuite c'est tout ce rendez-vous à la salle Roger Salengro, toujours à partir de 16h jusqu'à 20h, où là ça va être la folie, ça va être l'ambiance où tout le monde va danser, se défouler, où vous allez rencontrer évidemment tous les gens qui ont défilé, mais aussi les Allemands aussi. Il y a beaucoup d'Allemands qui vont venir, des groupes allemands c'est normal, folkloriques. Dans le cadre du jumelage, avec Eichweiler et Goetschweiler et Köthen aussi. Ah, Möglich. Il y a Köthen. Après, je sais plus, il y a d'autres villes. Toi, tu connais bien Waterloo, Samantha. Non, je t'aurais donné ces deux noms-là. Je crois qu'il y en a une troisième aussi, mais elle est un peu bizarre. Ah non, c'est peut-être en Pologne, Siemoniowicz. C'est possible, je sais qu'il y a aussi un village au Portugal, mais je ne pense pas qu'ils seront là. Non, je ne crois pas non plus. Je ne crois pas, mais effectivement, les Allemands seront là. Alors, si vous souhaitez participer à cet événement, sachez que vous ne pouvez y pénétrer que par invitation. Donc si vous souhaitez des invitations, je vous invite à vous rapprocher de la mairie de Waterloo. Vous y allez directement à l'accueil et vous demandez des invitations à la fois pour la soirée du carnaval et pour l'élection du prince du carnaval. Sans invitation, vous allez avoir des problèmes pour rentrer, parce que déjà c'est blindé. Donc je vous conseille vivement d'aller chercher vos invitations. Donc si vous ne savez pas quoi faire le week-end du 1er et du 2 avril, surtout n'hésitez pas à venir à la fois à l'élection du carnaval samedi, et aussi, bien sûr, la soirée du carnaval. Le 2 avril. Parce que Sherlock, il est en là, il me tape des pieds en disant, mais oubliez-il la patience? Forcément, parce que le 2 avril, il y a également l'apéro repas de la radio RQC, Radio Kichifel. Donc, ça se passe dès 11h. C'est à la salle bleue du centre expo de Moucron. Et donc, c'est uniquement sur réservation pour le repas. Donc, vous pouvez appeler au 0 479 09 70 52, ou de la France 0032 479 09 70 52, ou durant les émissions pendant les pauses musicales, je précise, sauf le mardi entre 20h et 22h30 voilà. Au 056 34 07 83, ou de la France 0032 56 34 07 83. Alors rappelle-nous un peu le menu. Alors le menu, donc c'est un menu qui est déjà à 17€, 12€ pour les enfants, boissons non comprises. Donc ça comprend donc l'apéritif, le cochon à la broche avec des pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, du pain, de la sauce, en veux-tu en voilà. Des fourchettes, un verre, un couteau, des assiettes, un couteau, enfin tout ce que tu veux. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas le cochon, il y a de l'agneau. Ah bah ouais, tiens. Voilà. Voilà quoi. Venez, n'hésitez pas parce que nous en plus on va y être aussi. Donc, ah oui, bah si vous voulez, si vous voulez nous rencontrer, c'est l'occasion quoi. Voilà. Si vous voulez voir le visage de Sherlock, mettre un nom sur son visage, sur sa voix, c'est ça. Venez, ne serez pas déçu. C'est sûr. Voilà, vous serez pas. Alors après, il y a du cochon et donc de l'agneau. C'est ça, il y a cochon de l'agneau. Cochon à l'alsacienne et l'agneau. Ouais, il fallait qu'il nous la fête, hein. il nous la fasse, ça là. Hein. Mais non, mais c'est bien de le rappeler. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Dit-il avec son humour. Vas-y, dis-le, fais-toi plaisir. Non, pas deux balles quand même. Parce que t'es un pote, oui, tu tiens à trois balles. Voilà, c'est un pote. Voilà, non, mais je t'en prie. Sherlock. Oui. Allez, je te laisse la parole. À toi de jouer. Bon, on va faire une petite coupure musicale. Eh bah, tu sais quoi, t'aimes bien faire la roulette. Ah bah oui, vas-y, bah, moi je l'avais préparé, mais vas-y, pas de problème. Alors Samantha, quand tu fais la roulette, stop. Tu me fais peur là. Ah ouais, je sais. Vas-y, je fais tourner, tu me dis stop. D'accord. Stop. Et ça va être révélateur de ton caractère. Alors Mireille Mathieu avec P-Lion avec Dream. Ah tiens, ouais. Ah ouais, P-Lion qui est le générique de l'émission Top 50. Ah d'accord. Ah, ouais. Et P-Lion qu'on peut traduire par bah je sais pas. Alors Pisse de Lion. Bah non, on se paie plus loin, Lyon. Ouais. La pie, non, mais c'est parce que pie, oui. Ouais, mais bien sûr. Allez, on continue. Tu me dis stop. Stop. Franck Michael avec... je le connais pas moi-même. C'est quoi ? Martika avec I Feel the Earth Move. Ah, oui. Oh, je suis certainement Martika, oui, ça me parle. Mais le nom me dit quelque chose, mais ça me revient pas tout de suite, là. Donc, bon, ce serait une petite découverte. Découverte 80 à l'heure. Allez, c'est parti. On s'éclate. I'm singing in the night, light up your eyes. Martika. Je connaissais pas du tout. Hein. Martika, alors là, rappelle-nous un peu le titre. I feel the earth move. Ah, je sens la terre bouger. D'accord. Ah, the earth. Ouais, the earth. Earth. Ah, okay. Planet earth. Ok. Bah, Samantha connaissait, hein, puisque c'est elle qui a choisi. Oui, par hasard. Ouais, ouais, non, mais carrément. Donc, Martika, I feel the earth move. Ouais, bah, ouais. Bah, je connaissais pas du tout. Mais t'as sorti ça de où, en fait? Je sais pas. Dans mes pérégrinations sur Internet, ouais, j'ai trouvé ça. Ok, bah écoute. Bon, on passera pas souvent. Hein. Non, je crois pas, non. Parce que, à part dans un roulette song, voilà quoi. Oui, oui, oui, absolument. Ou alors faudrait peut-être le glisser dans le défi Mix 80 de Stéphane. Discretos. C'est vrai, ouais. Ah ouais, ce serait marrant. Ça. Il faudrait qu'on lui balance des titres un peu tordus. Quoi. Qui est-ce qui a le sac avec les titres? Bah, c'est lui. Ah, c'est lui. Hein. C'est lui. Bah, la prochaine fois, on garde un titre, on le scanne, on utilise la même police de caractère, ouais, et on va lui claquer des titres pourris. Ah oui, mais encore faut-il qu'il les ait. Non, il les aura pas, mais ce serait marrant. Mais t'inquiète, parce que lui, il a sa clé USB, donc moi je peux mettre ça sur une clé USB. Et bah, on va faire ça, on va le dérouter, on va mettre une dizaine de titres bidons, parce qu'il y en a quand même 600, je crois, dans son sac. Hein. Ouais, non, il n'y en a pas 600 hein, quand même, dans son sac. Oh, non, il y en a un petit entre deux. Je peux lui mettre les musclés avec la fête au village. Mais il l'a, de toute façon. Mais non, il faut des titres qu'il a pas. Ouais, des titres qu'il a pas ou des titres complètement improbables, ça serait marrant. Ouais. Quoi. Urbanus, par exemple, on va mettre. C'est quoi ça, Urbanus? Urbanus, quand les oiseaux chantent dans le bois. De quoi tu nous parles? C'est mais non, mais c'est des titres. Mais si, ça existe, c'est pas une. C'est un truc des années 80, ça? C'est un belge, oui, oui, Urbanus. Je pense que c'est années 80, oui. Et ça s'appelle Quand les oiseaux chantent dans le bois. Quand les oiseaux chantent dans le bois, oui. Ok. Uh-huh. Les paroles sont très, très, très recherchées. J'en aurais appris des choses. Bah ouais, ouais, bah, d'accord. Donc c'est quand les oiseaux chantent dans le bois, ma fiancée est près de moi. Voilà, c'est un pote à toi qui a écrit la chanson ou quoi? Non. Non, mais je te garantis que ça. Non, mais ça serait marrant à faire. Pour le 1er avril d'ailleurs. Ouais, ouais, bah pourquoi pas. Poisson d'avril. Mais de toute façon, le 1er avril, c'est pas mardi. Non, mais exceptionnellement. Non, mais pour le 4, quoi, à la rigueur. Ouais, ouais. Non, mais on va le décaler exceptionnellement. On va s'arranger. Non, pour le 28 mars, ça va être compliqué, mais pour le. Pour le 4 avril, ça peut être rigolo. Ouais, ouais, ouais, il n'y a que vous qui allez rire, mais... Bah lui, il va beaucoup moins rire. Il va être dérouté, il va chercher dans ses CD, il va dire, c'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, il les connaît, ses CD, il va savoir tout de suite, il va dire, bah ouais, non, mais je l'ai pas, celui-là. Mais non, la fois dernière, on en a tiré des titres, il s'en souvenait même pas qu'il les avait dans le sac. Ouais, mais enfin, excuse-moi, Urbanus, les osios, sans votre tambour, pour je sais pas quoi, là, il se cache pour mourir. Mais non, mais comme ça. Je vais mettre ça sur une clé USB, mais on sortira... Défacer. Ouais, les trouver des faces C. Ouais, ouais, ouais, ce serait pas mal. Hein, ouais. Bon, allez, trêve de plaisanterie, ouais. Soyons sérieux. Tiens, au fait, c'est vrai qu'on en parlait hors antenne, mais oui. Un grand nom du rock nous a quitté la semaine dernière. Samedi après-midi, et c'est le célèbre. C'est le grand Chuck Berry. Voilà, mais tu peux nous toucher quelques mots de Chuck Berry. Brièvement, bah oui, Chuck Berry, bah, c'est le père du rock'n'roll. Du rock'n'roll quand même. Il y a aucun problème là-dessus, musicalement parlant. D'ailleurs, beaucoup de groupes de rock des années 60, pour ne pas les citer, les Beatles et Rolling Stones, dont le guitariste Keith Richards le cite en référence. Il y a une vidéo qui avait été tournée qui s'appelait Hail Rock'n'Roll. Mm-hmm. En fait, c'est l'apprenti le maître, en fait. Il avait une façon de jouer sur sa guitare. Toutes ses intros, d'ailleurs, sont... Quand on a connu le premier titre, notamment avec Johnny B. Goode, toutes les intros des autres titres de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, même You Never Can Tell, c'est basé sur le même riff de guitare. Et c'est vrai qu'il avait une façon assez particulière de jouer, et c'est, oui, il y en a beaucoup qui le disent. Même Lennon avait dit à l'époque, de toute façon, si un jour on devait rebaptiser... Ah, parce qu'il était chrétien. Oui, je pense. Même Lennon... Ah non, disait, si on devait un jour... Voilà. Allez, non, en un mot, hein, ouais. Oh, mais ça fait de l'humour. T'es pas très catholique, toi. Hein. Tu l'aurais fait, arrête. Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est dans mon style. Parce qu'elles sont pas noires, elles sont jaunes, les nœuds. Oui, pas très clair. Rappelons-le, Chuck Berry était black. D'ailleurs, oui, de son vrai nom. Eh oui. C'est pas Chuck, c'est Charles Edward Anderson Berry. Ah, ouh, carrément. Ouais. Eh oui, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait un. On va pas dire un choc, quand même pas, mais j'étais loin d'imaginer qu'il était black, en fait, c'est vrai. Si, si, alors, on lui doit beaucoup, pas seulement son style de musique, on va pas dire les bases, mais le style rock'n'roll qu'il a fondé sur la belle Chess, hein, puisque c'était un black, il n'aime pas beaucoup à l'époque, à part Little Richard. Beaucoup lui doivent, donc, ben, évidemment, la musique d'aujourd'hui. Les Stones le revendiquent, et Lennon avait même dit à l'époque, si un jour on devait rebaptiser le style de musique, redonne un nom au rock'n'roll, il faudrait le baptiser Chuck Berry. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un très très bel hommage. Parce que c'est vrai, quelque part, on prête souvent au black, plutôt la musique rhythm and blues. Le rock'n'roll, c'est moins le rock. Bah non, oui, c'est le, non, rock'n'roll, c'est blanc. Le rockabilly, ouais. c'est la version des cutéro des blancs. Ouais. C'est bien distinct. Mais beaucoup de blancs ont fait du rock'n'roll. C'est deux choses. Pour nous, ça, c'est, ouais, mais c'est tu, dans le codex. T'es black, donc. Oui. Et si c'est le précurseur du rock. Du rock'n'roll. Pas du rock, du rock'n'roll. Ah mais c'est quoi la différence entre le rock et le rock'n'roll? Rock, tout le monde fait du rock aujourd'hui, hein. Ouais. Malheureusement. Et le rock'n'roll? Bah, le rock'n'roll, c'est le nom qu'on donne sur ce style de musique. Jerry Lewis faisait du rock'n'roll. Ah ouais. Johnny fait pas du rock'n'roll alors. Pareil. Non mais je sais pas, non mais. Faudrait mais non mais j'essaie de comprendre. Non mais ouais, s'il a pompé plein de, ne serait-ce que Johnny B. Goode. Par exemple, AC/DC. Alors justement, tu ils font du rock'n'roll ou ils font du rock? Ah c'est plutôt du rock. Rock. Voilà, c'est hard rock. C'est même pas métal, encore c'est hard rock. Ouais. Ouf, et d'accord. Justement, quand tu vois le Chuck Berry avait, c'est lui qui était à l'origine de la fameuse Duck Walk. C'est, ouais. Il était très grand, Chuck Berry. Je pense qu'il faisait pas loin du 1m85. Et il avait sa façon avec sa jambe. Il fait ma taille. Il était très grand. Il fait ma taille. Non, mais c'est déjà pas mal. Enfin, ouais. Et quand tu regardes sur scène, les prestations scéniques d'Angus Young, ouais. Elles sont pompées de justement de Chuck Berry. Ah ouais, absolument. Tu regardes, ah bah tiens, je regarderai, tiens. La Duck Walk, voilà, ça vient de là. Ah le pas qui fait le et qui oui. Pas sauter. Et tu regardes les vidéos de Chuck Berry en live, ouais, il a toujours fait. Et à savoir que c'est un cas à l'âge de 90 ans, il joue encore il y a peu. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. C'est dommage parce que si on avait eu quelques extraits musicaux, oui. On aurait écouté. Bah, en référence, ça a été repris notamment dans la BO du film Pulp Fiction avec You Never Can Tell. Ouais. Alors je vois pas laquelle c'est celle-là, mais. Bon, le titre, c'est parce qu'on l'a pas, je peux pas te le fournir comme ça, c'est bien. Ah, c'est Chuck Berry, ça. Eh oui, voilà, monsieur. Johnny B. Goode, Roll of Beethoven. Eh ben, on parle de Marty McFly dans Retour vers le futur. Le morceau Roll of Beethoven, c'est. Ah, c'était Roll of Beethoven. Non, il jouait Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, ouais, Johnny B. Goode, ouais. Il jouait Johnny B. Goode. Puisqu'il y a même Marvin, le cousin de. Dans le film, le cousin de Chuck Berry. Donc en fait, il est en train de jouer un morceau que Chuck Berry n'avait pas encore créé. Parce ah oui, d'ailleurs, ils en parlent dans le film. Je crois que ça sort en 57 ou 58, Johnny B. Goode. Exactement. Et là, il remonte le temps en 1955. Ouais. Le morceau n'était pas créé. Il y a son cousin Marvin qui appelle Chuck Berry et qui dit ouais, écoute ce son, c'est vachement bien et tout. Ouais. Ah, c'est Chuck Berry qui l'appelle. Oui. Ah bah, écoute, le black qui appelle, c'est le cousin, c'est Marvin, enfin le gars qui incarne Marvin, le cousin de Chuck Berry. Ah mais on et il appelle Chuck Berry en lui disant, écoute. Ah bah, il faut savoir qui c'est. Si on le comprend, film, quoi. Bah, ouais, parce qu'en fait, il dit, hey, Chuck, écoute ça. Ah, mais c'est comme terrible. Si il découvre un nouveau son en réalité, et c'était le titre de Chuck Berry. Ah, c'est mais c'est avec énorme. Un son plus moderne. Et d'ailleurs, Marty, dans le film, le disait, en tout cas, ça s'appelle, chez nous, ça s'appelle un bon rock, et vos gosses vont aimer, vont adorer. Ah, c'est bah, écoute, je vais te dire un truc, j'ai au moins vu le film 15 fois. Et je me suis toujours demandé ce que c'était que cette scène où le mec il téléphone et qui dit ah écoute Chuck. Là, c'est Marvin, le cousin de Chuck Berry. Ouais, c'est énorme. Tu connaissais toi Retour vers le futur? Oui, bah oui. Et est-ce que tu avais fait le rapprochement? Pas du tout, non. Non, voilà. C'est vrai qu'il faut savoir un petit peu pour comprendre un petit peu le. Mais sa morceau, c'est qui n'a pas même téléphone a repris Johnny B. Goode? Ah bon? C'est en français alors? Non. Il y a même une vidéo de téléphone sur scène avec Chuck Berry. Ah ouais. Oui, il a fait pas mal de live. Hein, il y a des gens qui ont fait des ce qu'on appelle des buffs. Bon, il était un peu caractériel. Hein, il savait ce qu'il voulait. Mm-hmm. À savoir que tout à l'heure, je parlais du film El Rock and Roll. On le voit un moment. On voit Keith Richards, le guitariste des Stones, touche aux amplis pour le réglage. Il se prend une remontée de bretelles et lui dit Keith Richards lui dit ouais, mais attends, le son est pourri. C'est comme ça que ça va passer dans la vidéo. Ouais, bah dis c'est mon son. Et en fait, respect parce qu'effectivement. On n'avait rien à prendre à Chuck Berry. Ouais, mais il était peut-être un peu mais même sur scène, quand il n'avait pas de musicos attitrés, Chuck Berry. Quand il montait sur scène, c'était toujours des musicos qu'on lui a fourgués, qu'on dépêchait sur place les trois quarts du temps. Et il y a une fois, il est monté sur scène quand il a succédé les Rolling Stones qui devaient l'accompagner. Il a dit « Moi, c'est hors de question, je joue pas avec ces blancs becs. » Ah ouais, sympa le gars. Il est assez spécial. Ouais. Je me doute, mais bon, moi c'est la vieille école. Hein. Oui. J'imagine que Jerry Lee Lewis c'est pareil, il doit être aussi assez particulier. Jerry le Killer, c'est différent. Il n'est pas caractériel comme Chuck l'était. D'accord. À savoir que Chuck, Jerry Lee, le dernier de la, on va dire de la clique à part Little Richard, il a 84 ans aujourd'hui et il tourne encore. Oui, absolument. Et Little Richard aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais lui, il joue dans des, au niveau des tournées, il ne fait plus de tournées avec un public aussi important que l'a pu le faire Chuck Berry, dernièrement, ou même Jay Lee. Puisque donc Little Richard joue plutôt dans des bars plutôt mal famés. Ah ouais, genre Blue Oyster, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre The Fucking Blue Boy et des Ouais. Non, mais c'est la vérité. Hein. Je vais être méchant. Il y en a même qui vont peut-être me détester pour ce que je vais dire. Mais on l'a souvent appelé la Tarlouse du rock'n'roll. Ah bon? Ouais. Ah, pourtant j'adore. Moi. Et son vrai nom, Little Richard, c'est Richard Pennyman. Ouais. Pennyman. Ouais. D'accord. Voilà. Il vaut mieux que ça s'appelle Little Richard. Hein. Alors donc, tout ça pour dire qu'il en reste plus beaucoup aujourd'hui. Ouais, absolument. Bon, ouais, alors, paix à son âme, oui, tout à fait. Chuck Berry. Et on peut lui dire merci parce qu'on lui doit beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Et puis Johnny peut le remercier aussi, hein, puisqu'il a fait quelques-unes de surprises. Bonjour, il y a énormément pompé. Il fait du yaourt. Eh bien, en parlant de yaourt. Oui. Mon petit Danone à moi. Oh, c'est gentil. Ma petite sera la réchauffée à moi. Ça, c'était années 80. Mon petit bon chéri. Et là, ouais. Hein? Bah, ça existe encore, mon chéri, mais la réchauffée, okay, ça n'existe plus. Non, c'est vrai, tiens. Ouais, Yoplait, mon petit Yoplait. Mon petit Chambourcy. Mon petit Chambourcy, oh oui. Ah oui, qui est-ce qui chantait ça? Sandy. Sandy Stevens, exact. Non, pas Stevens, Sandy. Sandy Stevens, c'est... Non. C'est pas Sandy Stevens, c'est ça? Si? Non? Non. Okay. C'est Sandy Valentino, ça. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Non, ça, ouais. C'est Sandy Stevens qui chantait. On va le mettre. Oh, j'ai faim de toi. Ah ouais. C'est ça. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais. Alors pourquoi pas, tiens? Sandy Stevens, j'ai faim de toi. Bah écoute, ouais, bon, on va le mettre. Il n'y a aucun problème. Et juste avant, je sais pas. Mécalicoba, si... ça fera Cuisine Xina, comme ça, ça fera deux pubs en même temps. Oh là là là. Allez. Mais non. Cuisine Xina. Non. Samantha, est-ce que tu te souviens d'un groupe qui n'était pas vraiment un groupe en fait, parce qu'ils chantaient pas? Ah bah oui. C'était deux blacks. C'était des mannequins. Métis un peu, non? Ils étaient pas totalement blacks. Ouais. Avec des tresses, non? Oui. Ouais. Et ils chantaient pas. C'est ça, Milli Vanilli. Ouais. Et c'était l'un de leurs plus grands tubes, c'était Girl You Know It's True. Enfin, leur plus grand tube, c'est pas eux qui chantaient. Donc je crois que c'est Franck Farian, hein, toujours et ouais, encore. Ouais, ils étaient plusieurs en fait. Et je vous invite à aller voir le site de 80s de Max qui était ici. Notre ex-chroniqueuse, absolument. Et parce qu'elle a fait un article sur Milli Vanilli où elle explique très très bien ça. Où elle explique justement l'avant et l'après Milli Vanilli. Il y en a un qui est décédé d'ailleurs il y a quelques années. Ah, dommage. Voilà, donc on va s'écouter ça tout de suite, donc avec Girl You Know It's True, et ensuite Sandy Stevens, et j'ai faim de toi. I love you. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. It's true. quelques éclaircies font oublier la pluie. Après ce long désert, traversé en hiver. Oh, je fais de toi. J'ai faim de ton regard, posé sur mon regard, de cet air que tu as quand tu reviens à toi. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim. Cette envie de toi qui grandit chaque fois. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es, je ne peux pas douter, c'est tout ce que je sais. Oh, j'ai faim. Samantha, alors c'était Sandy Stevens. Ah, j'ai essayé d'imiter la voix de Samantha, mais elle est inimitable en fait. Ah bon? Bah ouais, non, forcément, c'est un peu compliqué d'avoir une voix suave comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit message en disant retrouvez-moi donc le 8 et le 9 avril? Non, pas comme ça, sinon ils vont penser que c'est le salon de l'érotisme. Bah justement, il faut faire venir du monde. Bah, oui, parce que en plus c'est le printemps. Et oui, oui, mais bon, c'est pas le but tiens, du salon, hein, ils vont être déçus après. Ah bah, il y a quand même. Et, tu m'as bien dit qu'il y avait des défilés en sous-vêtements. Oui, oui. Ah oui. Bah, il y a quand même une forme d'érotisme quelque part. Ouais, bon, oui, si on veut. Bah, si, parce que hey, soyons honnêtes, quand une femme est en sous-vêtement, il y a forcément une forme d'érotisme parce que le sous-vêtement normalement ne se voit pas. Ouais, on est d'accord. Donc ouais. Qui le voit, c'est l'homme. Ouais, ben là, ce sera tout le monde. Ouais, et puis c'est souvent affriolant. Ouais, aussi, ouais. Donc, il y a une forme d'érotisme quand même dans le sous-vêtement, moi je trouve. Ouais, ouais, si on veut, ouais. Ça peut montrer comme ça à beaucoup de personnes, ouais. Ah, oui, et franchement, elles ont du courage. Ah, mais carrément. Elles ont du courage. Carrément. Quelle que soit la taille, la forme, n'importe quoi, qu'importe. Une femme aujourd'hui qui va venir en sous-vêtement défiler, je leur tire mon chapeau parce que même moi, t'oserais, toi, Flipkat défiler en sous-vêtement? En string léopard. Ah, pourquoi pas, string léopard. Non, j'ai acheté dernièrement une panoplie nudiste, je ne l'ai pas encore mis, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. T'as pris une petite feuille de vigne, enfin une feuille de lierre, c'est ça? C'est ça ta panoplie de... Non, j'ai pris ce que j'avais sous la main, en fait. Ouais, ouais. Une feuille de bananier? Non, une feuille de chou. C'est ça. Toi, t'oserais, non, pas du Sherlock? Non, non, non. Ah ouais, mais moi je suis pas pudique, mais... Non, moi si, par contre, je suis super pudique et je pourrais pas. Autant ça me dérangerait pas de me retrouver en quel but sur scène, pour faire l'imbécile, ouais. Ça me dérange pas. Mais sérieusement, oui, c'est faire ça. Un défilé, avec, voilà, pas c'est l'imbécile, avec un bon vieux slip kangourou, je te vois bien avec. Non. Mais si c'est pour faire le tour, oui, pourquoi pas. Honnêtement, si c'était dans le cadre d'un numéro humoristique, ou ça me dérangerait même pas, honnêtement. Mais c'est humoristique. Après, quand ça devient sérieux, et en plus, il y a quand même, il y a la grâce, c'est important. Un défilé, ça se fait pas parce que j'imagine qu'elle marche pas. Voilà, il y a vraiment tout un style, c'est important. Il y a le charme, il y a aussi les mouvements, j'imagine, les gestes. Le regard, beaucoup sur le... Hein, c'est ah mais bien sûr, bah, c'est le ça. Le sourire. Le sourire, absolument, et puis la posture. Parce que bon, si la femme, elle arrive à quatre pattes, c'est pas terrible, quoi. Donc, elle défile quand même. Non, voilà. Pas tout de suite. Mais Flic 4, s'il te plaît. Bah, c'est toi qui as parlé de quatre pattes. Non, mais je veux dire, voilà, c'était une image. C'était non, une ça, image. Ça, c'est quand c'est on voit beaucoup, on finit à quatre pattes. Voilà. Bon, ouais. Et donc on rappelle effectivement que nous sommes avec Samantha. On va demander à Samantha évidemment de nous rappeler que le 8 et le 9 avril, donc, il y a un bel événement sur la salle Roger Salengro à Waterloo. Voilà, qui s'appelle le salon Rondeur et Bien-être. Entrée gratuite avec plus de 60 partenaires dans le domaine de la mode, santé, remise en forme, beauté, donc tout pour se faire plaisir, mesdames. Eh bien, donc, mesdames, surtout n'hésitez pas à vous rendre donc au salon, nous on y sera. Donc rendez-vous dimanche vers 15h. Oui. Si vous voyez une flaque à terre, c'est Flip 4 Harry en train de baver. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Il dit ça, mais... il fera malaise. Il tournerait de l'œil. Tu peux appeler le SAMU. Non, outre le fait qu'elle défile en lingerie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui sont vraiment... stupéfait de ce que les femmes peuvent faire sur scène. Voilà, oui, c'est vraiment ce qu'on a ressenti et les retours qu'on a eu déjà l'année dernière. Donc, moi, je sais que, enfin, moi, je vais parler à titre personnel. J'ai déjà croisé quelques-unes des candidates. J'en connais quelques-unes d'ailleurs bien. Et il y a ce côté, le charme, mais terrible, honnêtement, que certaines autres femmes n'auraient pas. Je m'explique, moi j'ai toujours fait la distinction entre le charme et la beauté. Qui sont deux choses complètement distinctes pour moi, hein, je sais pas pour vous, hein, mais qui sont complètement distinctes. Autant vous pouvez avoir un top modèle qui n'a aucun charme, c'est-à-dire qui est belle, mais tout le monde trouve voilà. Belle. Excusez-moi, je vais être super méchant, mais Iris Mittenard est très belle. Je lui trouve aucun charme. Vraiment. Je la trouve pas très charmante, en fait. Je la trouve belle, ouais. Bon, elle a certainement des formes qui sont dans la norme, très certainement. Et voilà, elle a certainement une taille de poitrine qui correspond à la norme, quoique, et encore, je suis pas sûr. Mais je trouve qu'elle a pas beaucoup de charme. Autant que vous avez d'autres femmes. On parlait tout à l'heure de Marianne James. J'allais te le dire, ouais. Marianne James a énormément de charme. Et de charisme. Et de charisme. Oui. Voilà. Et pourquoi on en parle? Parce que justement, Marianne James, sur l'affiche, justement, de l'événement, du salon Rondeur et Bien-être, eh ben, elle ressemble à Marianne James, ouais, en fait. Elle ressemble. Ouais. C'est quelqu'un qu'on aurait tellement aimé avoir sur le salon que peut-être que, voilà, si elle voit ça, peut-être que... Ah, bah peut-être, mais bon, à mon avis, elle est peut-être même pas au courant qu'elle est sur l'affiche. Non, c'est pas elle, hein, sur l'affiche, elle ressemble beaucoup. C'est oui, elle ressemble. Il y a un air, mais effectivement. Ouais. Eh ben, Sherlock. Oui. Tu vois, je sens le Star Wars là, qui pointe du nez. Ah bon, tu crois? Est-ce que je... Tu parles d'un jingle, le mec il parle tout seul, ouais. Tu recommences. Dépêche-toi. Ouais, c'est... Merci. Tu nous le fais pro, hein, ce que voilà. C'est déjà enroué. Ouais, bah désolé. Que se passe-t-il, R2? On m'appelle déjà pour faire la chronique. Bon bah ok, bah je vais y aller alors. Monte dans la DeLorean. J'enfile mon plus beau slip, je monte sur ma trottinette et je suis parti. Non mais attends, y a quoi? Y a un marionnettiste en dessous, quoi? Jeff Panaclock, sors de là. Et puis... on dirait une marionnette, sérieux. Pourquoi t'enfiles ton plus beau slip? T'as mis un vieux slip, là? C'est ça que t'as dit en plus? Ouais. Mais n'importe quoi. Bon, t'as intérêt que t'es sorti Sinoche, elle nous donne envie de partir dans les salles de ben, sûr, alors, à mon avis, vu sa réaction tout à l'heure, c'est pas alors grave. Justement, je vais te poser une question, enfin, je vais vous poser une question. Ouais. Est-ce qu'il y avait une série dans les années 80 que vous regardiez particulièrement ou vous étiez fan? Columbo. Ouais, il y en avait pas mal, ouais. Franck Columbo. Moi, j'aimais bien les têtes brûlées. Les têtes brûlées, et eh ben c'est pas de cette série que je vais vous parler. Les têtes brûlées, amicalement vôtres. Non plus. dans les années 80. Bien joué, Milord. Ah non, ouais, c'est avec des motards. C'est ouais. Fin des années 70. Chips. Hein. C'est ça. Voilà. Ouais. Chips. Ah, ils ont pas fait un film avec et Chips. Eh ben, ils ont et fait ben, un film osé. Avec Chips. Oh, ils l'ont fait. Mais alors, ça n'avait pas déjà été fait, ça, non? Non, pas encore, non. Ah, d'accord. C'est avec Michael Peña, Dax Shepard, Vincent D'Onofrio. C'est un film de Dax Shepard. On n'a pas encore de date pour la France. Vincent D'Onofrio, ouais. Ah, c'est lui qui joue dans New York. C'est ça. Ah, j'adore. Section criminelle. Ah, j'adore le petit costaud là. Ouais. Ah, un sacré charisme. Lui. Et donc, c'est tiré donc de la série des années 80. C'est le quotidien du brin ténébreux Francis Ponch Poncherello et du blond jovial John Baker, deux motards de la police de la route californienne. Et là, ils sont envoyés en infiltration dans un gang de motards. Donc là, enfin, il y a toute une histoire un peu alambiquée derrière. Avec beaucoup d'humour, ouais, comme on a pu revoir dans les films, par exemple, 21 Jump Street, qui sont ressortis également il n'y a pas très très longtemps. Là, c'est pas avec les mêmes acteurs, mais c'est un peu dans le même style d'humour. Dans la même veine, ouais. Voilà. Bah, ça me fait peur. Hein. Alors bon, 21 Jump Street a bien fonctionné, donc à voir comment va être reçu Chips, quoi, mais... Avoir la bande-annonce, c'est pas mal pour un petit film. Quoi. Ouais, voilà. Mais ça me fait peur quand on voit les Starkey Hutch qui ont été refaits, c'était des vrais nanars. Il y a eu Chérif et Moi Peur également. Ouais, les flics à Miami ou je sais pas quoi, deux flics à Miami, c'était une catastrophe. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Avec Sonny Crockett et Ricardo Tubbs. Moi, je pensais déjà que ça devait, c'était déjà fait. Donc. Ouais, je pensais aussi, sérieusement. Et alors, t'es chaud patate pour aller voir Chips? Bravo. Ah, la peur. J'essaie de faire ce que je peux, hein, sérieux. Ouais. Non, mais c'est pas... Tu peux pas grand-chose, hein. Bah non. Ouais. Ah, non, mais ça va. C'est pas mal. Bon, après, pour les fans de Disney, il y a La Belle et la Bête. Ça a l'air beau, ça. Qui sort demain, ouais. Donc, ouais. En France et en Belgique, c'est un film... Alors, tu vas te marrer, de Bill Condon. Ah, ou, sérieux? Et ouais, pas Condom. Voilà, c'est ça. Condom. Ah, bah voilà. Vous attendez. Bah, oui. Donc, c'est un film de Bill Condon. C'est avec Emma Watson, Dan Stevens et Luke Evans. Donc, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince charmant, tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. Ouais. Ouais, c'est un beau dessin animé, ouais, La Belle et la Bête. Faut être honnête. C'est la veine de Disney en ce moment de reprendre tous les dessins animés. Ouais, c'est Disney, alors c'est DreamWorks qui est derrière tout ça. Ouais, c'est Disney qui refait ça. Les prochains, je sais que dans les cartons, il y a Aladdin qui va être fait également. Avec Jamel Debbouze, non je sais pas, je pense pas. Ça pourrait le faire, je trouve. Non, je pense pas. Bah, c'est bien là-dedans qu'il y a les 40 voleurs. Il est vachement pesant. Non, mais alors, c'est bien dans Aladdin qu'il y a les 40 voleurs. Ouais, mais alors, s'ils doivent refaire Aladdin, ils vont peut-être prendre la personne sur qui Aladdin a été inspiré. C'est-à-dire C'est Tom Cruise. Ah ouais, c'est vrai. Tom Cruise qui a inspiré Aladdin. Je vois mal Tom Cruise faire Aladdin à son âge, quoi. Bah, c'est ça. Il est un peu jeune, quand même, dans le film. Ah, ils vont faire Aladdin, alors. Ouais, ils vont tous les faire, quoi. Ils vont en faire quand même pas mal, apparemment. Ouais. Ils en avaient parlé, hein, Aladdin, et puis il prévoit déjà la suite, à la 2. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Mais ceci dit, moi, j'ai vu les bandes-annonces. Alors, ça a l'air assez fidèle au dessin animé. Oui. Limite, ils reprennent vraiment les plans du dessin animé et ils en font. Alors, c'est un peu. Alors, malheureusement, c'est un peu trop numérique à mon goût. C'est du décor fictif, puisque c'est que de l'image numérisée. Mais bon, ça peut être sympa. Ouais. Déjà, c'est le génie de la lampe. Non, je te parle de La Belle et la Bête. Pas La Belle et la Bête. Non, pardon, je pensais que tu parlais encore de La Belle. Déjà, à l'époque, dans La Belle et la Bête, dans le dessin animé, ils avaient fait une super innovation, c'était avec la salle de bal. Hein. Ça faisait vraiment tout un décor 3D qui avait été fait. C'était vraiment bien fait. Mmh, c'est vrai. Alors, ensuite sort en France, en Belgique également, le film Going to Brazil. C'est un film français de Patrick Mille avec Vanessa Guide, Alison Wheeler et Philippine Stindel. Donc, c'est la folle aventure de trois copines invitées au mariage de leur meilleure amie au Brésil. À peine arrivée à Rio, elle tue accidentellement un jeune homme trop insistant et dès lors tout s'emballe. Donc elles vont se retrouver en garde à vue, elles vont essayer d'expliquer leur folle journée, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Ouais, film français, c'est ça qui me fait peur. Ben ouais, c'est ça. Ouais. On part un peu sur du Very Bad Trip. Eh ben écoute, j'allais te le dire. J'attendais que tu termines et ça m'évoquait Very Bad Trip. Ouais, ouais, l'abandonnance fait un peu penser à un peu à du Very Bad Trip version française avec des filles. J'attends de voir. D'accord, non, ça promet. Et enfin, je vais terminer avec le film The Warrior's Gate avec Dave Bautista, qu'on a vu notamment dans Les Gardiens de la Galaxie. Qui fait le gros baraquet, hein, Drax. Je sais plus son nom. Ouais. Drax, il fait Drax. Ouais. Avec Nini, enfin Ni, c'est son prénom et son nom. Hein? Ouais. Elle s'appelle Nini. Nini, c'est une actrice chinoise. D'accord. C'est Nini, et la chance. Non, je sais pas. Nini, peau de chien. Nini, peau de chien, ouais, voilà. Ouais. Elle s'appelle vraiment Nini, non? Ouais, elle s'appelle Nini. D'accord. Et tu parles d'un nom d'actrice. Et avec Uria Shelton, c'est un film de Mathias Heun. Ça sort en Belgique le 12 avril. C'est Europa Corp qui produit. Donc Luc Besson derrière. Ouais. Donc c'est un adolescent qui est passionné de jeux vidéo qui se retrouve par magie transporté dans la Chine médiévale. Il lui faudra user de tous ses talents de gamer pour devenir un authentique guerrier kung-fu capable de sauver la princesse et de rétablir la paix entre les empires. Et ce, avant que résonne le gong de Game Over. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est un peu repiqué de Tron, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est. Il y a une petite inspiration là-dedans, peut-être. D'accord. Mais ça se passe dans un monde plutôt réel, quand même, que Tron, c'était vraiment dans un ordinateur. Mmh. Là, ça se passe quand même dans la Chine médiévale, avec des samouraïs et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Samantha, t'irais voir quoi? Le film français. Ah ouais? Moi, mais par curiosité, Going en fait. Going to Brazil, ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, je vais aller voir entre copines, pourquoi pas. D'accord, ouais. Film 4. Tu nous diras quand est-ce que tu vas entre copines. Film 4, t'irais voir quoi? Bonne question. Ouais. T'as écouté au moins? Oui, oui, bien sûr. Non, sérieusement, là, je suis en train de faire un effort parce que... C'est de voir. Non, Chips peut-être. Oh oui, pourquoi pas ça. Ouais. Sempiternel remake. Ah c'est ça. Ouais. Enfin pour la nouvelle génération, pourquoi pas, hein, ceux qui connaissaient pas Chips. Je sais pas si ça va être vraiment fidèle à la série des années 80. Je crois pas, non, ils vont faire. C'est un peu le problème, quoi. Ils remettent un peu à la sauce de maintenant avec des acteurs, on va dire, peut-être plus bankable, et puis une petite dose d'humour qui avait pas forcément... je parle humour potache, on va dire, qui avait peut-être pas forcément dans la série d'origine, quoi. Et je pense à ça, justement, qu'on parlait de remake. Ils n'ont pas fait, d'ailleurs, un remake de Starsky Hutch. Si. Ouais, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, tu vois, t'écoutes pas. Ils ont fait Starsky et Hutch. Là, par contre, j'ai pas, oui. Ils ont fait Starsky et Hutch, l'agence touriste, Sheriff. Ah oui, c'est vrai, l'agence touriste. Oui, je me souviens. Oh là là là. Et qui c'est qui faisait Mr. T? C'était... Et je te rappelle que l'émission termine à 22h30. Ouais, non, mais je reviens plus sur le nom du gars. On va regarder sur Internet. C'était un gars qui faisait du free fight. D'accord. Il est, c'est un champion de free fight, UFC, machin. D'accord. MMA, oui. C'est ça, ouais. Pourquoi MMA? MMA, c'est la boxe. Voilà. C'est pas l'assurance. Non, d'accord, je comprenais pas du tout. Parce que c'est pas 0-3K en général quand tu sors de là. Ouais. Eh ben écoute, merci. Mais je t'en prie. Et merci bien. Eh ben écoute, j'espère que tu auras donné envie à nos auditeurs et auditrices d'aller au cinéma. Ouais. Bon, allez, pourquoi pas, il y en a pour tous les goûts. Oh, La Belle et la Bête quand même. Bah, La Belle et la Bête, ça s'annonce très bien. Pourquoi pas au cinéma, ça peut être sympa. À voir. Ça peut être sympa. Oui, je suis assez sur Chips. Voilà. Mais après, sur Chips. Ok. Ok. Eh ben écoute, on continue en musique. Oui. Et ce soir, justement, je tiens à saluer une nouvelle auditrice. Ouais. Qui, d'ailleurs, tu vas passer un petit titre pour elle. Ouais. On salue Priscilla au passage. Voilà. Nouvelle auditrice. Elle est toujours dans le désert? Pardon? Elle est toujours dans le désert? Ça, je ne sais pas, peut-être que vous posez la question. Parce que si elle est connue, Priscilla, folle du désert. Tu connais? Non, du tout. Très bon film, australien. Et je pense qu'ils en ont fait une comédie musicale. Absolument. Ouais, exactement. Ça arrive là. Ouais, c'est en train d'arriver. Exactement. Priscilla, folle du désert. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un des comédiens de la comédie musicale, qui s'appelle Laurent Bann. Laurent Bann qui... Ah oui, bien sûr. Laurent Bann, qui a joué dans le film Alive. Oui. Dans le film Alive, où Christophe Willem jouait également. Exactement. Ouais. Et il a fait la comédie musicale Zorro. Oui. C'est lui qui tenait le rôle de Zorro. Oui. Et on a eu le plaisir de travailler sur un spectacle avec Laurent Bann. Et j'ai découvert effectivement qu'il faisait partie de la distribution de Priscilla, folle du désert. Si. Donc ça risque d'être prometteur, connaissant le numéro. En tout cas, c'est un super artiste, hein, ce qu'on appelle communément un performeur. Il est chanteur, danseur, enfin bref, ce que les Français n'arrivent pas souvent à faire, pour être honnête. Hein. Il n'a pas fait un remake également d'un vieux film des années 50, Le Rock du Ban, non ? Bon, enfin, voilà. Bon, s'il te plaît, Sherlock, remonte le niveau. Alors, attention à ce que tu vas programmer comme musique, hein, parce que c'est du C. Jérôme et du... Non, avec Foreigner et I Want to Know What Love Is. Donc ça, c'est pour qui a été repris beaucoup plus récemment par Tina Arena. Ah, quelle horreur. Et ensuite, on reviendra avec Niagara et Quand la ville dort. Mais t'aimes bien, toi, Niagara ? Tu nous as passé un Niagara la semaine dernière. C'était la semaine dernière ? Ouais, bien sûr. Faut pas croire, on note, hein, nous. On avait même parlé de Muriel Moreno. Oui. Qui est devenue DJet. Ouais. Très belle Muriel Moreno. Ouais, elle a bien vieilli. Ah ouais ? Elle a bien vieilli ou elle a bien vieilli ? Elle a bien vieilli, dans les deux sens du terme. D'accord. Ouais. Ok. Mais écoute, j'irai voir ça sur Internet, alors. Ça Allez. Marche. To think things over, I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, Niagara, quand la ville dort. Vous êtes toujours sur RQC 95 FM, et toujours dans l'émission 80 à l'heure, avec Harry. Oh oui. Avec Flipkat. Oh oui. Avec Samantha de l'association Rondissima. Oh oui. C'est à cause de nous hein, qu'elle fait oh oui. Ah bah oui. C'est parce que je l'ai regardé et donc elle s'est dit je ne peux pas faire autrement. Donc effectivement, nous sommes avec Samantha donc, de l'association donc, Rondissima. Et pour vous rappeler évidemment que le 8 et le 9 avril, il va y avoir donc, le salon de rondeur et bien-être. Donc à partir de 10h jusqu'à 18h, à la salle Roger, salon gros. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a la page Facebook. Voilà, Asso Rondissima, la page du salon c'est donc salon rondeur et bien-être. Et la troisième page c'est élection Miss Rondissima. Ouais, puisque les élections, alors parlons-en, puisque les élections auront lieu donc au mois de septembre. Le 2 septembre. Et c'est où alors ? Au CSE de Waterloo. D'accord, ben, on y sera aussi. Alors évidemment, on ne va pas parler d'appel à candidature parce que tu es submergé de candidatures. Et puis ça y est, les candidates ont été choisies. Donc il y a des présélections alors, pour le coup ? Alors il y a des présélections, elles doivent passer un entretien donc avec les Miss 2016 et ces dauphines et le petit comité de l'élection. Voilà. D'accord. Eh bien écoute, on va le noter, mais de toute façon, d'ici là, on se reverra. Bien sûr. Tu nous feras une petite pub et viendras nous voir avec Miss Rondissima. Voilà, bah oui, absolument. Rappelle-nous le prénom. Kimberly. Et son nom ? Verag. Ah, c'est moins charmant, ça, par contre. Ah bah non, mais elle est tout à fait charmante. Ben oui, c'est vrai. Mais non, quand on entend Kimberly Verag. Oh. C'est un peu comme. C'est comme Gérard Bouchard. Ouais. Non, mais bien sûr, évidemment, je plaisante. Mais de toute façon, on les appelle, les Miss, on les appelle souvent par leur prénom. On ne donne pas leur nom. Et il vaut mieux parfois. Hein. Bah tiens, justement, en parlant d'élection, j'ai ouï dire qu'il y avait une élection de. Miss en fait, pin-up, c'est ça pas une élection, c'est un défilé en fait. C'est les pin-up des Hauts-de-France. C'est quoi ça, le pin-up des Hauts-de-France? C'est un regroupement, c'est une association. Alors il faut que tu nous expliques. Et on en parlait tout à l'heure parce qu'on a des amis en commun. Et c'est quoi une pin-up alors? Bah c'est les pin-up, c'est les filles qui étaient habillées 50s, comme on peut encore voir dans. Bah j'en mets énormément sur ma page Facebook. Donc tu t'en mets tous les jours. Tu dis bonsoir, je vais me coucher, il y a une photo de pin-up. Il y en a une le matin, une le midi, une le soir. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut regarder la page de Flipkat tous les jours. Si, ouais, c'est ça. En fait, pin-up, la traduction de pin-up, c'est celle qui épingle. De par sa tenue, la pose qu'elle pouvait prendre. Les pin-up, en fait, c'est. On en voyait beaucoup sur les avions. De la Seconde Guerre mondiale. Les Nouvelles-Gay, le bombardier qui a lâché la bombe atomique sur Hiroshima, son nom. Et à côté, il y avait une pin-up. En fait. D'accord. Mais on peut dire que c'était un peu l'équivalent des modèles un peu dénudés qu'on retrouvait dans les magazines Playboy ou. Pas forcément des nouvelles, non, c'était en maillot de bain, un bikini de l'époque ou même des tenues les robes crayons, les fourreaux, les robes à volant, ça peut être une pin-up aussi, voilà. D'accord. Avec un style très 50s. Ouais, donc vendredi, Tommy's à côté de Auchan, Noyer-le-Godot, Tommy's d'Hélène Beaumont, donc ça commence à 19h. Par contre, je conseille aux gens, pour ceux qui seraient intéressés même d'aller manger là, de voir téléphoner rapidement parce que. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de tables de libre, malheureusement. D'accord. Donc, c'est un grand événement. Il y a du monde qui va. Oui, c'est un défilé. Il y a de très belles photos qui ont été déjà faites il y a quelques semaines de ça. Oui. Mais quand tu dis des pin-up de Hauts-de-France, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection et elles sont devenues pin-up. Il n'y a pas d'élection. Non, c'est un regroupement. Elles font des shootings et puis elles se retrouvent pour faire des défilés avec des tenues d'époque. Et donc, pour faire des photos. Ouais, ça peut être sympa. Oui, c'est sympa. Ça ramène du monde. Et je peux dire que quand on y va, évidemment, de par l'allure qu'on a, il y a les gens qui viennent manger là. Et franchement, c'est. Même au niveau des enfants, j'aime assez voir le regard des gens sur. Ils ont vraiment l'impression de basculer un retour sur les années 50. Quoi. Voilà. D'accord. Non, mais j'imagine que les gens qui y vont aussi s'habillent aussi style années 50, un peu comme toi. Non, pas forcément. Non. Moi, c'est mon mode de vie. Quand je peux, je suis toujours habillé comme ça. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça. Je ne sais pas, ma vie classique, c'est un mode de vie. Voilà. Il met des slips kangourous. mais ça, il faudrait. J'en parle. Tu crois pas ce qu'il m'a dit, c'était un sujet de conversation qu'on a eu. Non, c'est qu'on a des mecs qui vont à l'extrême et qui sont 50s dans leur tête. Mais ça va à l'extrême, c'est jusqu'à avoir le slip kangourou de 1959, un jeans Levi 501 qui n'a jamais été porté. Ça peut atteindre un paroxysme complètement fou. Surtout que je ne vois pas trop l'intérêt du slip kangourou, finalement. On n'est pas obligé, sais pas. Non, mais après, c'est l'allure. Oui, on le voit pas exactement. J'ai jamais compris en fait l'intérêt du slip en gros, fait avec la poche devant. C'est pour dénoncer un petit peu parfois la stupidité. Ça, c'est un peu le côté ringard. J'ai des potes qui, c'est faut que ce soit 50s. Et qui vivent 50s ont des frigidaires 50s, un canapé 50s. Bon, mais c'est sérieux? À peine s'ils ont un portable. Oui, j'en connais. Oui, très bien. Un portable 50s qui... Non, mais c'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ce que je veux dire, ça va jusque-là, oui. Roule avec des voitures des années 50, c'est une caronde ou. Pourquoi pas. Un portable 50s, t'as le truc avec la petite manivelle sur le côté, comme ça, pour t'aider. Je le répète, parce qu'on en parlait tout à l'heure en antenne, le vintage, malheureusement, ça revient depuis 2-3 ans à la mode. Oui. Bon, on arrive toujours à faire la part des choses, je veux dire, les gens qui, parce que ça peut être vexant, surtout j'ai une copine qui l'a vécu, c'est qu'il y a une nana habitée dans un truc qui dit « Ah madame, j'aime bien votre déguisement ». Alors ça, c'est franchement vexant parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est une mentalité, on vit, on va au taf, même, je dirais peut-être un peu plus aseptisé au niveau de la tenue, mais, pardon, mais on peut, tant que c'est pas incompatible, quoi, je veux dire. Moi, je suis comme ça depuis 81, ça me va très bien. Ah oui, non, mais musicalement, clair. Tu sais, je peux pas dire que je suis pas ouvert, mais on peut parler de ce qui passe. On va le dire, t'es pas ouvert. Ouais, bah, ça me va très bien. Je suis fier de, parce que quand je vois la dope qu'on passe aujourd'hui sur les ondes FM. Ouais. Bah après, c'est un choix de vie. C'est une... Mais voilà, encore une fois. Mais c'est un point de vue. Parce que toi, tu trouves que c'est de la dope. Ceux qui écoutent ça en ce moment et qui vont entendre du rocker vont dire que c'est de la dope aussi, peut-être. Ouais. Complètement. Donc après, ouais, mieux, c'est limite, un point de vue aussi. Mais c'est pour ça, je parlais tout à l'heure de ce retour à la mode vintage. Et on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes là qui veulent succomber à la mode des pin-up, mais qui n'ont pas l'état d'esprit, qui n'ont pas la mentalité, qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Le terme mode n'existe plus, il n'y a plus de mode. Non, c'est pour ça, on m'a déjà dit, à l'époque j'avais un perfecto, alors que tout le monde aujourd'hui cherche à avoir un perfecto, vrai. Mm-hmm. Il y a 3 ans de ça, un mec il m'a dit c'est plus la mode, j'ai dit moi je m'en tape la mode, parce que si demain la mode c'est se balader en tutu avec une plume dans le cul, je suis désolé, c'est ridicule. Ça c'est celui de la masse. J'espère que ça n'arrivera jamais. Voilà. Ce qui est dommage, parce qu'en plus tu l'as le tutu et la plume. Donc... Non, j'ai un kilt, monsieur. Ah, autant pour c'est moi. C'est pas pareil, ouais, t'as pas bien regardé la photo. Et bon, voilà. c'était la minute mode de notre ami Flipcat. Bon, il nous reste 2-3 minutes. Le temps de rappeler quand même ce bel événement qui aura lieu donc le 8 et le 9 avril. Samantha, à toi de jouer. Alors, le salon Rondeur et Bien-être, vous êtes toutes les bienvenues. Alors, vous pouvez venir accompagner des copines, des maris, il n'y a pas de problème, on ne refuse pas les hommes. Hein. Même les amants et les maîtresses. Je cache l'écran parce qu'elle est en train de regarder l'écran, non, elle est en train de tricher. Ça c'est pas vrai parce que je vis salon Rondeur et Bien-être, je dors salon Rondeur et Bien-être, je mange salon Rondeur et Bien-être. Donc, elle a un slip kangourou salon Rondeur et Bien-être. Mon conjoint serait là, il pourrait le dire, donc je vis à 200% pour ce projet, j'y crois énormément, j'espère vraiment vraiment que ça va marcher, qu'il y aura énormément de monde et que les gens seront ravis et qu'on me demandera de le refaire l'année prochaine. Et bien sûr. Voilà. La preuve en est, c'est que tu devais le faire tous les deux ans, et là, finalement, tu t'as attendu qu'un an pour le refaire, donc c'est que quelque part, il y a une demande, et je pense que ça va très très bien marcher. On rappelle que dans la région, c'est un des seuls, vraiment. Ouais, il y en a eu un, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Pas-de-Calais, mais bon, sans vouloir me vanter, je ne pense pas aussi grandiose que celui que j'organise, donc... Clair, je suis pas étonné, et effectivement, c'est une belle occasion de sortir, de rencontrer plein de gens sympas aussi, parce que c'est un peu tout. Moi, j'irai, ça c'est clair. J'espère bien, et je vous remercie beaucoup de cette soirée passée avec vous. C'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir, et on adorait plaisir quand t'as fait. Oh oui. Voilà. Vincent, salut au passage. Sherlock. Oui. Un petit mot de la fin. Bisous. D'accord. On va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. C'est surtout par rapport à la chanson que j'ai préparée. Oh non, Carlos, big bisou, c'est mais bon. Mais non, pas big bisou, non. Tu vas nous passer quoi? Kiss. I was made for love. Non, Kiss the Prince. Ah, d'accord. Oui. T'aimes bien aussi celui-là, tu nous l'avais déjà passé. Ah non, pas celui-là, non. Si, il y a 2 ans, je me rappelle. maintenant que t'en parles, Qui a été repris d'ailleurs par Tom Jones. Oui. Bon, version un peu moins sympa quand même. C'est vrai. Ouais. Et après, ce sera quoi? Et après, Prince, le prince, on passe à la reine avec Queen et Kind of Magic. Okay. This is a kind of magic. Ouais, c'est pas mal. 88, c'est pas des 80, ça si? 88. Kind of Magic, 86. Ah, 86. Les deux sont de 86. Alors, musique de film, bien sûr. Oui, Highlander. Highlander, oui. Takeshi. Non, c'est pas celle-là, c'est Who Wants to Live Forever. Entre autres, mais il y a aussi The Kind of Magic. Oui, complètement. Ah, si, ça j'en suis sûr. Takeshi. Si, si. Je vais aller regarder quand même. Tu peux, il va vérifier, mais. Bah, bien sûr, ouais, tu peux. Eh ben, non, mais il faut pas qu'on dise de bêtises non plus à l'antenne. Ah, mais eh ben, si on dit une bêtise, on reprendra l'antenne et on écoute. Je sais qu'il y a un grand fan de Queen qui nous écoute assez régulièrement, en la personne de Mike. Ah, Mike, est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Ouais, donc lui, il va être à même de nous le dire. Bon, on regardera hors antenne le temps de la coupure musicale, et si vraiment on a dit une connerie, tu reviendras pour nous le dire. Merci à toi, Flipkat. Mais il vous en prie. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, ça va être une émission de fou, je peux vous le dire, puisqu'on sera dans les studios, on sera au moins une trentaine. Pas loin d'une trentaine. Chaud. Il va faire chaud, il va faire très très chaud. On va bousculer un peu notre programme, puisqu'effectivement, on va recevoir toutes les candidates à l'élection de Miss Moucron. Donc vous aurez l'occasion de les découvrir à l'antenne. On les verra toutes et on va s'amuser avec le sac à Miss, et bien évidemment. Et pour vous rappeler aussi. Ah oui, elles vont tirer les boules. Elles vont tirer les boules, absolument. Et pour vous rappeler aussi que le 8 avril, c'est aussi l'élection de Miss Moucron, de Constance Marius Raquel. Voilà, donc, mais on vous en reparlera plus dans le détail, donc mardi prochain. Donc soyez à l'antenne pour écouter donc l'ensemble des candidates à l'élection de Miss Moucron. Et donc oui, effectivement, Kind of Magic est dans Highlander. Mais bien sûr, voilà. Mais tu as jusqu'à nous le demander, on va te le dire. Quand je suis pas sûr, je m'avance pas trop généralement. Mais d'accord. Oui, bien sûr. Non mais là c'est vrai. Ah, voilà. Voilà. Comme Destiny, c'est dans Destiny, c'est dans les sous-doués. Destiné dans les sous-doués, bien sûr. Destiné. Alors, c'est dans les sous-doués en vacances. Ah, c'est dans les sous-doués quand même. Ouais. Bah, non, le premier, c'est les sous-doués passent le bac. Ouais, peut-être, mais c'est les sous-doués en vacances. Ah, mais c'est dans celui-là, dans les sous-doués. Et tout à l'heure, je disais quand même le bac en vacances. Test, Ouais, mais il n'y a pas Destiné dans celui-là, c'est dans les sous-doués en vacances. Et on l'entend aussi dans un autre aussi. Oui, dans le Père Noël et Surdure. Exactement. Et qui, à la base, normalement, dans la pièce de théâtre, n'est pas cette chanson-là, c'est une chanson de Charles Aznavour qui doit passer. D'accord. Il a dû refuser, à mon avis. Je ne sais pas. Voilà. Bon, enfin bref. Allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, bye. Ciao. Bye. Ciao.